Bien marché, voilà. Donc, on va pouvoir du coup commencer cette session. Bienvenue du coup sur soit la session, soit la rediffusion, peu importe. Deuxième session de Wulin, au-delà du Yangtze, premier taille, c'est-à-dire la première campagne. Je remets un petit contexte rapidement parce qu'on me l'a demandé. Ça se passe du coup dans la Chine du 12e siècle. C'est ni historique, ni pour autant fantasy. C'est un peu entre les deux. Et on suit des héros qui s'appellent du coup, enfin non, qui s'appellent pas, mais qui sont ce qu'on appelle des wuxia, c'est-à-dire tout simplement des héros itinérants qui œuvrent du coup pour le bien du pauvre et de l'opprimé. Je vais du coup laisser, vu que c'est la deuxième session, les personnages se présenter, surtout qu'on a de nouveau, enfin de nouveau entre guillemets, hein, mais ils étaient déjà prévus à la base. Du coup, j'ai laissé Viteuf se présenter pour aussi les deux qui étaient là à la première session, bah, vous représenter en quelques mots. Au fur de quelques épisodes, on arrêtera de faire ça, mais d'abord, on laisse le truc se prendre. Donc, j'ai demandé une présentation un peu au début. Donc, on commence du coup par l'ordre que moi j'ai, donc c'est-à-dire Yamato, B-Boy, Ryo, Gosed, Yamato. On t'écoute, Ok. présente-toi. Alors, mon perso s'appelle donc Xiong Teng. Oui. J'avais un doute sur la prononciation. C'est un homme en gros d'un mètre 80, 85, 90, donc très grand par rapport à la moyenne. Très musclé. Il porte un sabre doré, orné avec pas mal de pierres précieuses. C'est un ancien noble qui a été déchu et qui cherche à se venger. Que dire de plus? Je vais essayer de pas trop en dire quand même. C'est une Mais je pense présentation que rapide, hein, c'est pour que les gens voient un c'est voilà, peu. c'est une présentation. Bah, du coup, c'est un grand combattant reconnu par beaucoup. Tout à fait. B-Boy, un petit rappel de ton personnage. Alors moi, déjà, le truc le plus important à savoir, c'est que j'ai beaucoup de chance et que je suis doté d'une très grande réussite au jet de dés. Sinon, mon perso, il s'appelle Baoming, c'est une fille, artiste et poète, tout ça, je fais de la chanson, des belles sculptures, des peintures. Je sais pas quoi dire trop. C'est déjà bien, au moins Ouais, on on va dire que situe c'est pas ce mal. qu'est ton personnage, t'inquiète pas. Valio. Bouddha soit loué, cher viewer. Je m'appelle Jia Seng. Je suis un moine errant qui vit de la générosité des autres. Il se pourrait que j'aie peut-être un petit problème avec la gent féminine et que leur mari ait plutôt tendance à ne pas m'apprécier tant que ça. Je suis surtout un grand maître des arts martiaux. Je me bats au bâton et je suis super fort. Et il y a une rumeur qui court sur moi et mon tatouage qui rend mon kung-fu foudroyant. Voilà. Le Kung Fu étant une maîtrise interne, une maîtrise de ce qu'on veut faire, quoi. Gossed. Eh bien, bonsoir. Je me nomme Xuang Manzhao. J'ai la particularité d'appartenir à une école qui veut que nous portions un masque. Donc, personne n'a pu voir mon visage, même les gens qui sont actuellement présents avec moi. Et on me dit de moi que je suis très rapide et que même les flèches ne m'atteignent pas. Sinon, je suis quelqu'un de plutôt discret. Et voilà. Donc pour restituer un tout petit peu, en tout cas pour les deux joueurs qui étaient du coup absents, vous étiez du coup dans... je sais pas d'où sont ces messages Discord, mais évitez de trop notifier pour éviter que les gens ont le bruit, s'il vous plaît, merci. Après si c'est dans la conversation, il faudrait que je juste ce soit moi qui pense à me mettre en privé, je comprendrai. Du coup, vous êtes, pardon, excusez-moi, dans la ville de Nagarwa, qui est une ville en fait, ville-village, qui a comme particularité d'être construite à moitié sur le fleuve du Yangtze. C'est-à-dire qu'elle dépasse littéralement sur le fleuve et est construite, qui est faite pour rester du coup au-dessus du fleuve. Hein. Vous y êtes passé à la base comme simple étape de votre trajet, hein. Vous êtes des héros itinérants et jusqu'à présent vous n'avez pas encore trouvé d'endroit stable ou trouver de quoi faire vos activités tout en restant peut-être utile à ceux qui vous entourent. Malheureusement pour vous, alors que vous passiez dans cette ville, une prise militaire a eu lieu. Une prise très rapide, j'ai envie de dire à la limite de l'éclair, par du coup l'Empire des Jin, qui je rappelle est l'Empire qui a du coup conquis le nord de la Chine, donc le nord de l'Empire des Song. Ça a été très très rapide, vous avez tenté de vous défendre, vous avez été mis à mal par un des lieutenants de cette armée, et vous avez fini du coup dans des geôles. Geôles séparées, étant donné que du coup Jia Zheng, Bao Ming et Cao Kai ont fini dans la même cellule, là où Xiang Teng et Xiang Manziao ont fini dans une autre cellule, dans une salle un peu à l'écart, pour des raisons qui vous sont pour l'instant toujours inconnues. Vous êtes du coup, comme ça je rappelle un tout petit peu, à force on évitera ces gros rappels, mais ça restitue comme ça pour tout le monde, y compris les viewers. Vous êtes du coup évadé de votre cellule sans trop gros difficultés, hein, pour être honnête. Vous avez perdu un peu de temps en suivant un chat, mais au moins vous avez fini par trouver ce que vous cherchez, y compris du coup votre libération, étant donné que le magistrat de cette ville s'est trouvé en fait à être, j'allais dire docile, mais c'est pas forcément le mot, plus amical en fait envers vous, et sans vous avoir enfermé dans les geôles, uniquement par contrainte en vue de la prise militaire. Du coup, c'est là où on s'est arrêté, c'est-à-dire au moment où nos trois personnages qui étaient libres la dernière fois ont libéré enfin Xianteng, Shuangmanzhou. Alors, on va pas reprendre immédiatement à cet endroit-là, on va reprendre en fait quelques minutes, bien longues minutes plus tard, après que la cellule a été ouverte et du coup que des soins ont été appliqués par Cao Kai sur notamment Xianteng, qui a été blessé. D'ailleurs, tu remarqueras que sur ta fiche, tu n'as que 12 points de souffle pour cette session, au lieu des 24 qui En sont normalement ton effet. maximum. C'est pour ça, c'est parce que tu as été largement amoché dans cette cellule Ok. pour des raisons que vous ne comprenez toujours pas. Même moi? Même toi. Ah, d'accord. C'est juste de la violence gratuite. C'est ça, je me suis fait maraver alors que j'étais assommé trop bien. Exactement. Du coup, tu as repris conscience, parce qu'effectivement tu n'avais plus conscience, donc tu as repris conscience, et là en fait on reprend après que vous avez passé quelques minutes à restituer un peu tout le monde sur pied, faire en sorte que Xiangteng voilà, vérifie qu'il va pas s'effondrer au premier coup, parce qu'il va falloir encore que vous partez de cette prison. Tout le monde est d'accord là-dessus? Et très bien. Vous êtes du coup dans la cellule dans laquelle ont été enfermés Xiangmanziao et Xiangteng. Vous êtes tous les cinq. Qu'est-ce que vous faites? Du coup, on a appliqué les premiers soins, etc. Oui. Ça, je l'ai passé. Ben, je m'approche de Xiangteng et je fais ça va, tu vas pouvoir marcher? Ouais, il n'y a pas de problème. J'imagine que je Bien sûr. Oui, peux. Au cas où, oui. je veux garder mon Au honneur cas quand même. où je reste à côté de lui pour voir si jamais il a pas un moment où il a une Ouais, défaillance. ben, c'est Et ça. No je sais pas, normalement, ça devrait le faire. je prends son bras sur mon épaule et je dis aux autres, bon, allez, faut pas traîner, faut qu'on y aille. Comment vous avez fait pour sortir de vos cellules? C'était pas vraiment fermé. Pas vraiment fermé? Ça doit aller. Et nous, on était complètement bouclés. Et Non, vous, disons que en fait, on est disons que nous avions surpuissant, c'est un tout. codétenu qui avait les clés. Un co-détenu Très bien. qui avait les clés. Oh, ouais, t'inquiète, c'est pas grave, on vous expliquera après. Allez, Mais on par y contre, aille. je peux, avec ma maîtrise du son, je peux pas rendre des points de souffle à Monsieur Xiongteng. Alors, C'est pas tu le peux. moment de jouer du pipeau. Par contre, effectivement, la question est, est-ce que tu considères que c'est maintenant, alors que vous devez encore vous en sortir de cette prison, est-ce que c'est Non, faut maintenant que tu faire ça considères que c'est après. le moment Moi, de j'y prendre vais le direct, temps? donc. Ou est-ce que. Après, ça peut très bien être fait après, ça peut très bien être fait maintenant, ça veut dire que vous prenez le temps de le faire. Ce Non, dont non, vous non, on pouvez prend pas le temps de avoir. le faire, on se On vous casse. suit, vous savez où on doit se rendre? Vous avez Ouais, je vais déjà un voir, faites pas. peu. On a déjà Fait du comment dire? repérage. Ok, ben. Fait du repérage. On a déjà exploré Je les rues. suis, il n'y a pas de souci. Mais sinon, vous voulez pas on sorte par le puits comme ça on y va en mode discret? Bah si, c'est ce qu'on allait faire. Ah, pardon, Monsieur excuse-moi. MJ, Oui. est-ce que je commence à avoir des souvenirs de ce qui s'est passé ou genre vraiment c'est... Je me Bah, souviens ce de qui s'est rien passé du jusqu'à tout. ton réveil, non, tout ce que tu sais, c'est ce que j'ai expliqué au tout début, c'est Le combat et la c'est prise de tout. la ville, et loin, vous êtes fait ratatiner par le lieutenant, quoi. Ok. Celui Très qui bien. était d'un pays exotique, mais pas un djinn. C'est ça. Mais là, comme ces deux joueurs ne l'ont pas vu, je ne radique pas ce détail. Mais effectivement, tu Ouais. as raison. Du Ok. coup, je me suis fait battre par qui des PO? Non, du tout, par le lieutenant. C'est Par le l'enfant du lieutenant lieutenant vous directement, a ok. pris seul contre vous cinq. Ah oui, d'accord. Voilà, donc Très c'est bien. pas non plus, on va pas dire qu'il se prend pas pour de la merde. C'est ça. Bref, du coup j'ai le bras de Xiang Teng sur le sur l'épaule et juste on se dirige vers le petit trou qu'on avait commencé à creuser, je sais plus. Enfin, il y Non, avait c'était des un... briques qui avaient Non, sauté c'était et un on. puits, c'était un puits, c'était un puits, on avait trouvé... Non, Enfin... mais il y avait un mur qui avait été condamné. Enfin, il y a un tunnel condamné et il y avait un puits qui partait sur le côté. Et... Ah non. Ah Et oui, donc mais c'est ça, oui. on C'est l'avait une explosé, ça, cellule non? abandonnée. Et oui, Et effectivement, en donc. fait, c'est un chat qui vous a mené là. Et on a récupéré nos armes, tout Nos ça, c'est équipements? ça? Ouais, dès qu'on est entré, je t'ai donné. J'ai Ouais. lancé ta lance à Xiang Teng, mais j'ai vu qu'il était il était KO. Je fais ah merde! J'ai pas de lance d'ailleurs. J'ai un Oui, non, pardon, grand. c'est son Zanma Dao, ton super sabre. C'est ça. En fait, c'est pour ça que Zanmadao. t'as pas eu de points de souffle. T'as pris l'épée, ça t'a cogné trop fort. Je l'ai repris sur la tête en fait directement. Ouais, Ok voilà, les c'est gars, ça. c'est Tu sais, moi, il j'ai se trouvé. réveillait comme ça va les mecs, ping! Et Appelez-moi il est détective retombé. Baoming. Bref, où on se dirige vers le tunnel qu'on a. Très bien, du coup vous allez vous y rendre. Laissez-moi chercher les notes, je suis entre deux sessions. T'es entre deux sessions. Ouais, non, parce que j'ai. Là, tu vois, c'est session 1, là, c'est session 2, tu vois. Ah, ok. Et il y a à Entre peu deux près 20 pages, pages. quoi, si tu veux préfères. Ouais, sauf qu'entre. Tu vas Il faire n'y a pas ça, en fait. 2 pages, il y en a genre 6, mais bon. Du coup. Voilà, que je retrouve le bon plan. Serait tous les viewers. Bonjour. Oh là là. Vous allez du coup vous rendre dans cette ville. Effectivement, hein, pour rappel, c'était celle qui vous a été révélée par un chat, parce que vous vous êtes dit c'était vachement la chose la plus importante à faire, c'était de suivre un chat. Au lieu de sauver nos amis, et j'y l'assume Exactement. complètement. Et Merci. aujourd'hui Ça fait encore, je plaisir. te dis que tu n'as pas eu tort. Mais c'est vrai que vous avez suivi ce chat et que bah, par ses habitudes d'aller se cacher dans des endroits et se relever, vous avez trouvé un coin assez peut-être vieux de la prison qui n'a pas été rénové et qui du coup mène à un ancien puits qui a été condamné. Donc vous vous y enfoncez, encore une fois, par contre vous êtes obligé d'y aller un à un parce que c'est très, très étroit comme lieu. De vous enfoncer du coup dans ce petit chemin pour arriver au moment où ça s'agrandit pour notamment accéder au puits. Le puits est totalement fermé. Du coup, je veux savoir comment vous y prenez. Est-ce que vous y allez comme des gros bouvins, vous pétez tout? Est-ce que vous essayez de bouger ce qui coince? Dites-moi tout. On marche sur les murs à l'ancienne et on enlève les planches petit à petit. Bah, les planches elles sont au-dessus, hein, tu sais, au niveau du puits. C'est vraiment en Ouais. fait, À la c'est au-dessus surface, qui est quoi. couvert. Ouais. Si C'est je peux chaud. éviter de faire des efforts, ça me va. On peut pas courir sur les murs jusqu'à haut du puits. Si, mais la question c'est une fois au-dessus du puits, qu'est-ce que tu fais? Parce que il y a un couvercle. C'est ça la question. Quelle est à la hauteur à peu près de puits? La hauteur, il y a, je pense, une dizaine voire une quinzaine de mètres. Après, effectivement, là où Baoming n'a pas tort, c'est que vous pouvez quand même monter, même si l'échelle me semble, j'avais indiqué qu'elle avait été détruite. Vous pouvez largement monter, vous avez l'habitude de faire ce genre d'effort sur des courtes durées, des courtes distances, pardon. Donc du coup, vous pouvez vous y atteler pour traverser à travers la terre qui, de toute façon, a été faite pour être assez solide, et les pierres, etc. Moi, ma question, c'est pas sur comment vous arrivez en haut, parce que ça, vous y arrivez, il n'y a aucun problème, même s'il n'y a pas d'échelle. C'est comment vous gérez le couvercle. Vous pouvez le retirer, vous pouvez y aller doucement, vous pouvez y aller comme des bourrins, je veux savoir comment vous y allez, c'est tout. Bah, on y va en Bah, douceur. qui est le premier à être arrivé en... Pas moi. Moi, je suis un peu pressé de sortir, je suis pas très à l'aise dans le noir. Bien, vas-y. Baoming, fais Vas-y. plaisir. Elle va nous renverser le couvercle dessus. Point. Ouais. Du coup, tu vas doucement, c'est ça? Genre, tu en mode Oui, juste, hop. en mode en douceur. frappe des gouttes, c'est... Ouais. Alors, par contre, le truc est vraiment fixé au niveau du couvercle. Donc, si tu vas genre juste un peu, Ça, tu vas avoir du mal. Je veux savoir du coup comment tu t'y prends pour y aller doucement et quand même réussir du coup à dévisser le truc. Parce que juste avec ta force pure, au bout d'un moment, tu vas pas pouvoir. Voilà, fais preuve d'invention et surprends-moi et tu sauras récompenser. Avec ma force pure, ça marche pas. Tu peux essayer, mais dans ce cas-là, ça sera un jet au minimum héroïque. Ben, je vais y aller en découpe. En découpe. Ouais, tu sais, une découpe délicate et précise, comme quand tu fais une belle petite statuette en bois, tout ça, tout ça. Clac, clac, je coupe ça proprement, comme ça, et je fais une petite Tu vas ouverture. sculpter la sortie. Exactement, Voilà, tu c'est vas lui ça. sculpter une sortie. T'as tout compris. Je fais une ouverture et en même temps je sculpte un petit peu les bords tranquillement en forme de sirène. Comme ça, les prochaines personnes qui passeront là auront le droit à une magnifique vue. C'est vrai. Bah écoute, du coup, tu vas faire un jet, non pas de corps, mais de Kung Fu. Sachant que ton trait légendaire qui dit que tes œuvres sont aussi belles que toi passe, donc tu as un des bonus. Hein. Et Yes. je te laisse du coup faire le jet à la difficulté que tu le souhaites. J'ai 4. Oula, attendez, parce que je commence à paniquer. Faut pas que je Oui. rate celui-là. 4 ou 8, c'est combien déjà? De quoi? Je regarde juste combien ça fait. Ah, oui. 32. C'est légendaire, tu peux essayer héroïque, flamboyante. Est-ce que je tente l'héroïque? Non, non, flamme, je vais au moins réussir à. Ouais, tu. Vas-y, flamboyant. Alors faites Ah gaffe, j'ai l'impression ouais! que vos micros coupent un peu. Ouais. Oh! Oh! Non, Joli! non, mais Ah non! ce jeu, il me respecte pas, là, on est d'accord. Comment ça? Alors, Valio, fais Alors, ça gaffe, me parle mieux. ton micro coupe, en tout cas chez moi. Là, chez Ouais, moi chez moi aussi. aussi, je Peut-être crois. qu'il était un peu D'accord. loin. Pardon. D'accord. Ne le mettez pas Il est trop un loin, peu s'il vous éloigné. plaît. Alors, du coup, mon cher, parce que là, quand même, perdre un 1, ce que tu peux faire, du coup, c'est soit dépenser un yin yang, soit assumer. Je rappelle que un point de yin, tu peux abaisser le seuil de 1. Un point de yang, tu peux rajouter un dé. Si j'abaisse de 1, ça passe à un point. Ça passe à impressionnant, t'as 16. Qui, du coup, bah, te fera perdre quelques points de souffle, mais ce sera une réussite. Et t'as une chance sur 8 de pas réussir si tu rajoutes l'autre. Non, non, aussi, il réussit, c'est juste que bah, ça sera sûrement aussi des Oui. points de souffle Non, perdus. s'il fait un 4. Ah, s'il Ah, fait un vache. 4. S'il fait Fait un un 4. 4. Ouais, Une mais chance sur 8. s'il fait un 8 et un 1, il Pense a qu'il quand fait un même plus 4. de chances de. Fait un Ouais. 4, je sais Arrêtons pas. de le troubler. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi, Moming. Je calcule le temps, je Et ton instinct, Baoming. Ouais, mais mon instinct, il est foireux un peu avec le Wulin, j'ai l'impression. C'est un point de Jank, c'est ça, pour. Pour jeter un nouveau dé. Et un point de Jin pour abaisser. C'est ça. Bon, on va abaisser un petit peu le palier. Hein. Ok. Tu vas perdre du coup un point de yin et hop, mon carnet de notes. Il faudrait quand même que je le prenne. Oh là là, ça joue safe, ça joue safe. Ok. Ah non, mais là. Ce qui veut La dire sonde que. a commencé. Ce qui veut Mais dire du je perds coup du souffle. que tu as perdu souffle. Tu vas perdre 3 points de souffle, mais en même temps, je veux dire, t'en t'accrocher à une main et de l'autre, t'en faire de la sculpture avec l'autre. Ça demande quand même un peu plus Peut-être d'effort. vouloir faire des sirènes aussi, n'est pas Bah ouf. écoute, Ouais. on est un artiste, on ne l'est pas. T'es pas obligé de faire des sirènes. Ou des petites gargouilles. Non, Alors, comme gargouille, ça c'est pour. pas d'anachronisme, s'il vous plaît. Ah non, mais. Ah, Mais non, non, effectivement, pardon. Ouh là là. Ouais, attention, je te surveille, Valio, je te surveille. On a un joueur là qui nous a remis à notre place. Sur ce, Slap. revenons au jeu. Tu fais du coup une ouverture petit à petit, ce qui te permet du coup d'ouvrir assez pour que vous puissiez passer. Tu t'amuses à faire des sirènes sur les petits bords qui restent. Tu dis, tant qu'à faire, je suis déjà en train de m'épuiser, me péter le bras, vas-y, hein, on finit. Et du coup, tu peux t'immiscer en haut et tout le monde va pouvoir le suivre. Non, mais je suis un héros, je m'épuise. C'est bien connu, les héros ne s'épuisent pas. Alors, c'est pas à la corde, hein, c'est juste que vous grimpez directement sur la roche. Ça vous demande pas d'effort. Je vous fais même pas de jet pour ça, c'est vraiment du truc de base. Même moi On dans est mon trop état. bon. Même toi dans ton état, je te l'accorde. Moi, c'est Mais vrai quand attends, même. attends, attends, tu es au courant quand même qu'en étant blessé, t'as plus de points de souffle que moi. C'est pas faux. Ça c'est triste, papa. J'ai l'impression que tu te sens un peu, t'as l'air un peu frustré, B-Boy. Ça, c'est pas, c'est Ouais, je me sens faible. Là, mon maximum de points de souffle, c'est 16. Lui, pas la moitié. Il est à 14. C'est quoi ça? Une discrimination envers les artistes par ici. Hein. Ouais. Non, mais je suis... j'ai 12. Hein. Et c'est peut-être parce que je suis une brute en muscle. Peut-être. Alors, excusez-moi, je prends un peu de temps parce que j'ai mal fait mon setup et j'ai oublié d'ouvrir mes fiches, etc. Je suis désolé. C'est pas bien. Oui, c'est pas bien, je sais, je suis désolé. Moi, je voulais pas à la base. Non, parce qu'il faut pas que j'oublie de prendre mes notes, etc. Dans tous les cas, vous sortez ça, y a pas de souci. Et vous arrivez, en fait, au niveau d'une. Comment dire De où? D'une ancienne salle en fait qui est totalement abandonnée. Cette salle en fait c'est un, comment dire, pas, c'est pas non plus en fait, c'est pour ça que j'essaie d'indiquer, c'est que quand je dis abandonné, c'est pas non plus le vieux truc en poussière qui est sur le point de s'effondrer, quoi. Ouais, elle est pas utilisée, quoi, elle est pas ouais. Mais voilà. C'est pas non plus voilà, c'est pas encore la mort dans tous les cas. Ça ne vous apportera que peu, puisque à peine tous sortis de là, vous tombez face à face à non pas 2, non pas 4, non pas 6, mais 8 gardes qui rentrent dans la salle et en quelques secondes à peine vous entourent. Les gardes sont clairement des gardiens. Bonjour. On n'a pas de lance. Voilà. Excusez-moi, hein, je bafouille un peu, excusez-moi, c'est le temps que je me mette dans le truc. Du coup, armé de lance, et vous savez que les djinns sont d'excellents lanciers, tout autant qu'ils sont d'excellents cavaliers. Mais c'est des manchots, quoi. Et autant vous savez qu'ils sont bons lanciers, autant vous savez que là, ils ne sont pas là pour discuter. Du coup, eh ben, on va pouvoir jeter du coup les initiatives et démarrer un combat. Du coup, l'initiative, je rappelle que c'est Gong Fu plus Force Intérieure. J'ai besoin de savoir vos scores d'initiative à chacun. Gong Fu plus Force Intérieure. Oui, j'ai besoin de le savoir. Je ne sais pas noter. Et bah, du coup, c'est 6. 5. Alors, attends. Et attends, il n'y a pas d'autre truc qui rajoute l'initiative, parce que moi, j'ai marqué 6 initiatives sur ma fiche. Alors, si, tu peux en fait rajouter, grâce à un point de Negong, hein, vous pouvez dépenser en fait du Ah, oui, c'était ça. Pour du coup avoir un. Ah oui, et il y a celui qui mène le combat du coup. Ouais. Après. Pour moi, Gong Fu et Force Intérieure, ça fait 6. Ouais. Alors, je vais en regarder ça de toute façon. Parce que c'est. Ah bah, moi, du coup, enfin, je comprends pas du coup, parce que sur ma fiche, j'ai marqué 6 d'initiative. Oui. C'est-à-dire mais Gong Fu plus Force Intérieure, ça me fait 5. What the fuck? Ça, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème de calcul. Bah, c'est-à-dire que tu es un 5 d'initiative. Ouais, c'est 5 d'initiative. Je suis désolé pour toi. Sinon, on serait 3 à 6 déjà, ça va être compliqué. Après, peut-être qu'il avait quelque chose qui lui. Puis il est 1 en plus. Je... Ouais, peut-être, il y a peut-être eu une connerie de ma part au moment de noter. Mmh. Mais dans tous les cas, je sais que bah, c'est gonflé. T'as pas un autre truc qui pouvait rajouter un point d'initiative en sacrifice d'autre chose? Le Negong. De façon permanente? Non, c'est pas permanent. C'est un point de Negong et ça te permet d'augmenter pour le combat d'un point d'initiative. C'est bon, ça. C'est pas ça. Non, mais ça doit être une erreur de calcul, c'est tout. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je suis désolé pour l'instant, le rip. Je suis prêt. Et pourquoi on m'a pas dit que mon c'était volant. Sur le stream. Gosset, tu veux passer en premier ou je passe en premier? Je veux dire ça. Du coup. Ouais. Bon, je te laisse. Je te laisse c'est y bien. Aller. Je sens frustré. T'as besoin de te défouler. La raclée que tu t'es pris, je pense, t'as quelque peu irrité. Ah, mais moi, j'ai une question. Est-ce que je peux pas les faire fuir avec ma maîtrise du son? Alors la maîtrise du son, t'as pas, je pense, à faire fuir les gens, même si tu peux leur évoquer des émotions. Mais dans tous les cas, tu sais que là, ils sont là pour le combat. Ce sont des djinns, ce sont des soldats, ils sont formés à ça. À part si d'un seul coup t'arrives à leur faire peur au point qu'ils ont l'impression d'affronter pire que tout ce qu'ils ont affronté jusqu'à présent dans leur vie, ça m'étonnerait que tu puisses les faire fuir. Ouais, on gardera plutôt mes points de Negong pour faire du tordage de combat. Alors du coup vous avez dit que en premier c'était Yamato, c'est ça? Ouais, du coup oui, entre moi et Gosset, c'est ça. C'est Xiang Teng. Xiong Tang, pour être Oui. précis. Xiong Tang. Non, Valio, il va me Excusez-moi. taper après, ça veut pas Du dire. coup, suivi On va essayer Xiong. de rester dans nos personnages. Bien sûr, bien Oublions sûr. Valio. Oublions Yamato. Ah oui. Non. Big Boy Banana Ego Said. Nous Oui, sommes. mais c'est Valio qui tape, pas Jacinthe, quand on trompe sa C'est ça. prononciation. Xiong Oh bien. en deuxième. Suivi du coup. Toi, tu as 5. Et bah, du coup, B-Boy et. Donc, du coup, ça fait Jatsang et Baoming. Vous agissez en même temps, il me semble. Ok. Alors, excusez-moi, c'était le temps que je Bah, fasse comme mes moi attaques. et Ouais. Mais du coup, c'est bien, vous allez pouvoir faire des choses Amenza. comme vous voulez. Même si là, clairement, bah, la place a été laissée à Xiong Tang. Donc, en plus, tu vas être premier, tu vas pouvoir bénéficier des avantages liés à ceci. J'ai déjà eu en plus, comme si ça suffisait pas. Hop. Donc, dans tous les cas, excusez-moi hein, pour le rythme un peu saccagé, mais j'ai mal préparé mon setup. Ça va s'améliorer. Du coup, vous êtes entouré par les 8. C'est du coup Xiong Tang qui commence. Et du coup, bah, question très simple, qu'est-ce que tu fais? Sachant que parmi les 8 gardes, tous sont armés de lances, mais deux ont un bouclier. Il y a deux boucliers. Est-ce qu'ils ont, ils sont en quelle formation? Genre c'est un cercle autour de nous? Nous C'est entoure. ça, c'est ça, c'est un cercle Ils nous autour de ont, vous. ils nous ont, ouais, non. Ouais, donc c'est pas du tout pratique pour nous, on est totalement désavantagés. Et je rappelle que dans les règles, vous avez parfaitement le droit de me trouver des objets d'interaction. Moi, je vous laisse libre à ça, tant que c'est pas surcheaté. Vous avez le droit de dire, par exemple, bah, est-ce qu'il n'y a pas un truc, genre une caisse qui traînait là pour que je puisse sauter dessus pour faire des trucs. Vous avez largement le droit de faire ça, On tant peut que vous casser restez dans l'environnement, tu la. vois, comme dans les jeux. C'est ça. Mais vous pouvez même en fait ajouter votre environnement. Tant que ça reste bah, crédible en fait et que Oui. ça soit pas une exagération non plus. Voilà. Mais n'hésitez pas, Et du ben, coup, allez-y, donnez du peps et bah, faites-nous je rêver, vais faites. tenter un coup violent avec du coup mon Zanma Davo. Ok. Sachant que coup violent, c'est un truc que tu as déjà. Donc, tu Oui, n'auras c'est un truc que pas de j'ai. C'est ça, malus. donc j'ai pas de malus. Donc du coup, sachant que tu es le premier, donc tu as tous les avantages liés à Ouais. ça. Il faut me les redonner du coup. Je m'en souviens plus exactement des avantages que ça donne. Alors, le fait d'être premier, ça donne plusieurs avantages. Le premier de ça, c'est faire ce qu'on appelle le coup éclair, et qui permet, tu sais, de. En fait, qu'on ne peut pas faire de défense active face à ce coup. Ah oui, c'est ça. Ça permet aussi que tu puisses attendre le temps d'une passe d'armes pour tout simplement en fait que tu puisses mener comme tu veux le rimt et du coup des fois les forcer à attaquer en premier pour faire des comptes, ce genre de choses. Voilà, c'est ce genre de choses. Il y avait un dernier point que je crois que j'ai oublié et il faut que je le retrouve, mais c'est les deux plus gros traits normalement, il me semblait les plus importants. Je te retrouve ça et. Ok, Mais dans tous les pas cas, de je sais que problème. tu fais ton coup, mais je suppose que tu le fais du coup en attaque éclair. Ouais, je vais faire un attaque éclair, Et évidemment. donc du coup, tatati tatata, mon Dieu, cette préparation de session était horrible. Mais non, elle est très bien. Il est où du coup notre ami Ah là là, attaque foudroyante, elle est là. Donc du coup, oui, le truc c'est que les dégâts létaux, donc ton sang peut endommager les protections à la place d'impacter le sang de la cible. Donc typiquement là, tu peux décider de faire 2 de dégâts sur leur bouclier, au mieux de faire des dégâts directement dans leur petit cœur. Voilà. Ce qui fait que du coup, les autres auront plus d'avantages, enfin plus de facilité du coup à l'arrivée à leur bout. Du coup, tu peux servir Mais ils ont tous des boucliers? ils J'avais sont mal deux à compris. avoir des boucliers. Je vise Et pas celui voilà. qui a un bouclier, j'en vise un D'accord, qui mais a pas rien de du soucis. tout. Mais sachant que de toute façon ils ont tous au moins une armure, hein, donc dans tous les cas c'est quelque chose que tu pourrais Oui. faire. Du coup, allez, bah décris-moi un peu ton action et par rapport à ça on verra le jet que tu fais. Donc, j'imagine que genre on sort tous et du coup on reforme un cercle plus ou moins. Dites-moi si ça se passe pas comme ça. Mais en gros, on reforme un cercle par rapport à eux, même si on est du coup beaucoup moins nombreux. Et du coup, moi, je lance l'attaque avec un coup de sabre directement sur le premier devant moi, qui n'a pas de bouclier pour le coup. Genre, je fais un grand coup de sabre, juste je réfléchis pas où je frappe, je frappe très violemment pour faire mal. Très bien. Du coup, sachant que coup violent, c'est bah, du coup de manière assez logique, c'est dans le corps. C'est le corps, c'est ça. Sachant que du coup tu n'as pas de malus, tu as un bonus lié du coup à ton arme. Donc ça te rajoute Ouais. déjà un dé. Un dé. Donc ce qui me fait 4 dés. C'est ça. Et quelles sont déjà tes identités? Dragon déchu et vengeur. Ah Je oui, ne c'est ça, crois. les identités, ça. Ouais, je ne crois pas que ça rentre là-dedans. Donc du coup, on va Attends, simplement. il y a peut-être mes traits légendaires aussi. Bah, c'est très légendaire ou le trésor, mais c'est pareil, ça se cumule pas. Ah bah du coup, je vais plutôt prendre le... Parce que mes lames sont capables de trancher la tortue noire. C'est 2D. Oui, C'est le effectivement, truc je que j'ai vois ce appris que tu en... veux faire. Ok. Donc je pense que je vais plutôt prendre celui-là, ce qui me permet d'avoir 5D, Tout si je à me fait, trompe tout à pas. fait. Ce qui permet du coup de, bah, comme tu l'as dit, d'avoir 5D. Très très bonne remarque. Mais du coup, très bien, c'est ce que tu fais. Tu vas t'élancer, tu vas me faire surtout un jet du coup. 5D. Dis-moi la difficulté que tu penses viser. Je pense que je vais partir sur donc attends, 5D. Je vais quand même choisir là. Je pense que je peux quand même partir sur un truc flamboyant, je peux me le permettre. Voir, oh, vas-y, je vise héroïque quand même. Le Très beau très jeu. bien. Très très bien, je suis fier de toi là. On part sur de l'œuf. On est des wishers, on l'est pas, Bah oui, mais hein. vraiment, moi c'est ce que j'attends de vous. Donc vas-y, Moi plus fais-moi que le tout le coin plus monde, violent. niveau combat. Allez. Et non. Attends, ah si, attends. Il y a 2-8. Donc, il Alors, suffit que bah je fasse. vas-y, je te laisse régler ça. Donc, 1 en Attention, c'est de la 4. Et défense donc, 1. passive. Voilà. Apprendre les règles par cœur. Hop. Du coup, la Et 1 en défense 8, et ça me fait passive. 24. Donc, c'est un coup parfait. Je suis content. Alors, du coup, eux, ils ont en défense. Ok. Et j'aurais même pu Tu viser celui au-dessus. dépasses. Enfin, peut-être pas. Ah ouais? Attends, j'ai pas vu que Je tu. crois. Oui, bah, de toute façon, t'as fait un Ah non. 24, c'est magnifique. Non, non, non, je Donc l'ai là, pas je vu. note. Tu as un point d'éveil déjà. Bravo à toi. Et Pour une oui, fois que le c'est pas premier. Valio, Je Non, ce Valio, il est abonné aux réussites pour gagner des points d'éveil. Qu'est-ce que j'étais en train de chercher comme information? Je me perds tout seul, c'est insupportable. les PV que je lui mets, je sais pas. De toute façon, c'est toujours. Oui, l'effet que tu étais en train de faire, parce que, bah, mais pourquoi il a fait Ah, quoi, ce coup violent, je peux te Ouais. le lire si tu veux. Non, mais c'est bon, je l'ai sous les yeux. Ok. C'est juste que. Vas-y. Les dégâts, du coup, sont augmentés de corps. Donc, encore, tu as combien, s'il te plaît? Encore, j'ai 3. Ok, donc de 3 points si l'attaquant obtient 2 tailles de plus que le défenseur, ce qui est le cas. Et du coup, il va projeter en arrière. Donc du coup, ça fait que tu vas lui mettre du coup 3 dégâts supplémentaires. Oui, et du coup, avec ta Non, lame, tu c'est vas pas pas ça. être. Non, je le projette en arrière, c'est pas ça. Ah, Les attends. dégâts dans tous les cas, dans tous les cas, les dégâts sont augmentés de corps points. Et si l'attaquant obtient 2 tailles de Ah plus, oui, je le c'est vrai projette en ça. arrière. Ah oui, d'accord, oui, c'est vrai. Je pensais que c'était tout inclus dans le plus 2, mais dans tous Non, les mais il y cas, a un ok. point. Oui, bah, dans J'avais oui, bah, mal, j'avais excusez-moi. lu ça. Non, mais Non, j'avais mais. lu ça aussi pour te dire. Je viens de le Ouais, relire à ouais, ouais, ouais. l'instant, donc bon. Mais il n'y a pas de souci, parce que dans tous les cas. Bah, tu. Oh, d'accord. Tu vas, du coup, bah, foncer, du coup, pour le planter. Du coup, C'est avec pas ton vraiment énorme. planté, c'est vraiment un gros coup Ouais, violent, enfin. mais Ouais, bon. ok, c'est. Ouais, parce que c'est ton. Toi, c'est un C'est énorme sabre, hein, c'est ça? de l'épaule à la hanche, en gros. Voilà. Oh mon dieu. Tu vas genre quasiment littéralement le trancher en deux. Tu vas sentir le moins de ses os se broyer en fait sous ta lame. Et alors que normalement tu sais que les gens ont tendance à s'expulser, lui il va juste tomber sur place. Et tu sais que tu viens de lui retirer la vie déjà. Parfait. Tu viens de faire mal. Ok, on passe au suivant parce qu'on aime s'amuser ici. Et comme j'ai pas fait frappe unique, j'aurai le droit à ma défense. Comment ça? J'ai le droit à 2 attaques, c'est ça? Il me semble. Non, Attends, peut-être que je dirais. une seule. Ouais, Une seule, oui, c'est ça. ouais c'est Ok. soit t'attaques, soit tu fais une défense passive. Xuan Wanzhao, Ah qu'est-ce que oui. tu fais? Tu viens de voir ton ami effondrer l'un d'eux. Ça donne déjà une bonne confiance. Tu auras un dé supplémentaire pour ça. Oh, Grâce à ton bien. ami. Le cadeau. Eh Ça se fait bien. bien, sur ce, vous me voyez donc sortir mon pointe du diable. Enfin, c'est C'est mon pas ce que t'as sur la dard tête? volant. Pardon? C'est pas ce que t'as sur la tête? Je sais Sur la plus. tête, il a un casque. J'ai un masque sur la tête, mais je Oui, pense mais il pas me que semblait je que c'est vais. genre si t'accroches à tes cheveux ou quoi. Ou peut-être que je confonds. Non, non, non, non, non, non. Donc c'est un dard volant, hein, donc c'est une chaîne avec au bout une espèce de pointe qui est justement en... cette pointe qui est en obsidienne, donc très très dure. Et je décide donc de faire une attaque bondissante. Donc je vais courir vers le puits, prendre appui en fait sur le rebord pour partir dans la direction opposée au puits et essayer en faisant tournoyer la chaîne du dard à très grande vitesse, essayer de trancher si je peux au niveau des gorges de plusieurs personnes. Ma chaîne est très longue, je peux peut-être attraper du monde Ouais, au je passage. vois. Donc ça te permet de répartir les dégâts sur plusieurs adversaires avec un seul C'est ça. test. Cool, ça. Ok. Est-ce que tu l'as parmi ceux que tu maîtrises ou est-ce que c'est une attaque du coup non maîtrisée? Alors, je n'ai pas d'attaque Ok, bondissante, il donc me semble. c'est non maîtrisé, donc tu auras 2 dés malus pour ça. J'en suis déjà compensé par un dé. C'est ton trésor, il me semble, ton arme, non? C'est un trésor. Alors, soit j'utilise ça, ou alors C'est ça, soit soit j'utilise une. la rumeur, une rumeur. Ça fait un Dit dé que dans mes tous coups les sont très cas, rapides. ça revient un peu au même. Du coup, bah dis-moi si tu préfères utiliser la rumeur ou l'arme. Moi, j'ai l'interprétation RP, mais en termes de règles, c'est exactement la même chose. Du coup, Oula. je vais prendre le meilleur de mon arme. Oula, oula, oula. Allô? Ouais, alors attendez. Je l'ai un peu, alors c'est moi, je sais pas ce que Excusez-moi pour le stream, je sais pas ce qui se passe. La connexion a eu Ah, du ça y mal, est, c'est bon? j'ai récupéré. Ouais, Non, bah, en fait, moi je suis rouge, rouge. Est-ce que Ouais, pareil, oui, ça moi vient aussi de j'étais en rouge. Discord. Pour le Ouais, coup, ça vient Discord de a fait une petite bêtise. Discord. On Ok. a récupéré, on a récupéré tout le Désolé monde. encore pour les streams. Alors, la dernière session de Terreur sur l'Express s'est très bien passée. Nous, c'est un peu la galère. On va y arriver à force. Hein. Très bien, donc du coup, tu utilises. Ah non, mais dis pas que c'est encore bugué. Oh, Discord, pas gentil. Excusez-moi, hein, excusez-moi pour ça, excusez-moi pour tout. On va y arriver, vous inquiétez pas. Pour une fois, ça vient pas de nous. Hop, je vais quitter l'appel. Hop, je relance une vidéo. Hop. Oh là là. C'est bon, vous êtes là? Ouais, mais alors Plus par ou contre moins. c'est toujours rouge, hein. Ouais, je crois qu'on a un petit problème de serveur Discord qui, pour une fois, ne vient pas de nous. Non, mais c'était un Et miroir pourtant. il y a Yamato à ma place là sur le stream. Hein. Je suis pas d'accord. Yamato, Oh tu sors de merde. là. Là, mais là, ça y est, normalement, Non, on non, normalement a. tout sera réparé quand c'est en plein écran, normalement. J'espère. S'ils ont changé les trucs de place, ça va me casser les couilles. Ah oui, non, non, non, ils ont changé les trucs de place. Putain, mais quelle bande de cons. Faut que je me décorpe Non, peut-être. Sur un ton de non, langage. non, non, non, non. En tout cas, on va jouer comme ça pendant que je suis en train de faire les réglages de mon côté. Y a pas de souci. Donc, Du coup. j'utilise la rumeur de mon trésor. Non, non, mais pas Qui encore. me Hein. fait. De quoi? Ouais, non, mais ça plante. J'ai du mal à vous percevoir, mon cher ami. Ok. Ouais, bah on est rouge. Ouais, non, moi aussi, j'étais pareil. Je crois que ça fait robot un peu. Ça, c'est bon. Moi, c'est Moi, revenu je au vous vert, entends bien. personnellement. Ouais, c'est revenu. Ça va être. C'est génial. Hein. Alors, si Je Discord comprends. pouvait ne pas streamer le samedi soir, enfin, ne pas bugger le samedi soir, ça nous arrangerait. Après le samedi soir, c'est pas le bonjour. Là. Ouais, bah bon, normalement, les serveurs sont pas à ce point-là à ramasse, quoi. Ouais, je suis d'accord. Non, Bon. on sait jamais. Alors, hop. Bon, Désolé n'hésitez les pas. gens. Oui, Nous oui, sommes non. désolés. Ah putain, oh, ça va être insupportable. Alors, excusez-moi, ce n'est pas du tout prévu. Oh mon Dieu. On va changer de région. Bonjour, vous Non, m'entendez? on est passé en Central Europe. Très bien, Ouais, bah ça a l'air. c'est moi. Je me suis dit, tiens, peut-être que Peut-être Central à Europe, tout ça serait plus moment. simple. Mais ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ça a l'air de fonctionner en tout cas. Ok, donc on Écoutez. va rester en Central Europe. Très bien, donc On est voilà. chez les Polonais. Exactement, non mais en vrai, ça n'a pas de sens qu'on est beaucoup plus loin, mais. Ça a l'air en tout Bon. cas d'être stable. Voilà, on est vraiment Alors. désolé pour le coup, enfin, ça vient Problème vraiment de pas de nous, support. c'est Discord qui plante, et moi il faut que je change absolument les overlays. Donc, pour Ouais. l'instant, Vas-y. Xuan Manzhao. va tout simplement courir en direction du puits, va s'appuyer sur le haut du puits pour repartir directement dans l'autre sens et essayer de faucher les gorges de plusieurs gardes avec mon dard volant, la pointe du diable. Ouais, Du coup. laissez-moi, hein. Pardon? De quoi? Oui, Les je vais tuez t'en pas aller. tous, laissez-en un peu. Non, mais Oui, j'ai. non, mais de Déjà. toute façon, ça serait étonnant qu'il fasse 50 de dégâts à tout le monde, donc C'est ça. voilà. Du coup, là, je suis sur de Gong Fu, c'est ça? Donc, c'est. Kung Fu, donc avec 3 malus donc. qui est annulé, du coup, parce que t'as. Ah non, t'as plus un dé, donc t'as un malus d'un dé. Ah non, tu m'as donné un dé de bonus pour l'action Ah oui, de du coup c'est Xiangtai annulé, donc ça veut dire et t'as ni bonus ni malus, ok. en 3D, hein, c'est ça. Donc tu lances 3D, tu choisis la difficulté, dis-moi la difficulté d'abord avant de faire le jet. Ouais, non, t'inquiète. Du coup, je vais regarder un petit peu cette. En 3D, malheureusement, je vais. Allez, on va être fou, même si je pense que je le ferai pas. Je vais être en impressionnante. C'est du Mais c'est ce 16. qu'il faut faire. C'est du Vas-y, 16. T'as impressionne-nous, combien de dés? impressionne-nous. T'as combien de dés? J'en ai 3. Ça se tente. Alors, ça tombe bien, non, ne fais pas le jet. Non, je fais pas j'ai. Je vais tenter un truc qui m'a été soufflé par le créateur du jeu. C'est quoi? Ça aussi, ça va changer. Je vais vous accorder plus facilement des réussites. Par contre, à contrario, vous pouvez perdre des points de légende jusqu'à 16. Voilà. Il va y avoir des réussites automatiques qui vont se balancer comme ça. Par contre, voilà, c'est le créateur du jeu qui m'a dit, voilà, va dans l'esprit Wulin et force-les à aller de plus en plus loin dans leurs idées. On va tenter comme ça on aura essayé un peu des deux. On fera un debrief hors ligne pour voir ce que vous préférez en termes de sensations. Mais du coup, voilà, on va essayer ça. Donc, du coup, je te l'accorde, c'est une réussite automatique. Même si c'est un combat, mais j'ai envie d'essayer là au moins comme ça de lancer la réussite. C'est Hop. cool. On fait des petits trucs comme ça. Par contre, ça veut dire que pour moi, t'as déjà un des trucs qui peut t'apporter des malus plus tard. Hein. Attention, ça par contre, Oui. les règles ne changent pas. Du coup, ça, du coup, à 16, tu as dit, donc 16 c'est 4, donc du coup, tu as deux tailles de plus qu'eux, donc tu es censé leur faire 2 de dégâts. Du coup, comment tu répartis ça? En gros, tu vas pouvoir faire 2 points de sang à qui tu veux avec ton truc. Comment tu répartis ça? Tu mets ça sur une seule personne, tu mets ça peut-être sur plusieurs. À la base, Dis-moi je ce que tu fais. voulais toucher plusieurs personnes et C'est pas ça. une. Mais du Donc, coup, tu je peux en voulais toucher 2 et fouetter. leur faire un point de sang. Écoute, on va faire ça, hein, si Ok. je vais toucher plusieurs personnes. Très bien. Lance-moi s'il te plaît 2D8 sans passer par le truc, tu sais, sur Wulin, comme ça je sais qui tu touches. Je passe sur Wulin. Je Non, mets tu lances Wulin. 2 sur D8 Roll20 un sans simple passer par Wulin, D8. justement. Ouais. D'accord, 2D8. Est-ce que je peux poser une petite question entre deux? Bien sûr, vas-y. J'attends que j'ai fait combien de dégâts au total, moi, du coup? Alors, du coup, ouais, c'est vrai que je ne l'ai pas dit pour avoir Parce que un effet impressionnant de tutu, mais t'as fait 5 de dégâts, il me semble, 5 de dégâts. Ok. et ils n'ont pas 5 points de vie. Ok. Voilà. J'ai fait 8. Ok. 4 et 4 Attends. plutôt. Oui, Enfin, d'accord. 4 et 4, oui, là. 4 et 4. Ok, donc 1, 2, 3, 4, lui. 1, 2, 3, 4, lui. Très bien. Sachant que lui est mort. Très bien. Du coup, bah, tu touches deux mecs sans bouclier, tu lances ton dard, et du coup, bah, le principe, c'est du coup, dans ton seau, comme tu l'as dit, de pouvoir, du coup, avec ta chaîne, en tirer deux. Du coup, ça transperce un peu les deux, ça fait une étaille. Ils sont pas non plus blessés hein, de manière super dangereuse, et donc ils vont pouvoir rapidement, entre guillemets, contrer ça. Eh bien du coup, merci pour votre tour, passons à la suite, histoire de allez, remettre un peu d'énergie. Baoming, Janseng, vous êtes censé agir en même temps, dites-moi qu'est-ce que vous faites. Juste une question d'abord avant tout Bien sûr. agissement. On est d'accord que pendant un combat, je dois utiliser une attaque qui se trouve dans la liste de coups. T'as pas obligation, mais c'est... Bon, en fait, c'est un gros éventail, hein, tu sais, cette liste de coups, et ça permet de situer rapidement les effets et ce que tu fais. Après, si tu peux très bien laisser part à l'improvisation, moi je te l'accorde sans problème. Si tu as une bonne idée à balancer. Commencer Ah, une petite frappe stylisée, ça Oui, C'est tu possible. plus tout à fait. C'est dans quoi du coup frappe stylisée? Excuse-moi, quel style? Allure. Allure. Ok. Style flamboyant. Ouais. Merci. Donc frappe stylisée, tout à fait. Alors, il me semble que tu le connais pas, donc ça te fera 2 dés malus, mais comme avec Gosset, déjà tu as un dé bonus qui est lié à notre ami Xiong-Teng qui a encouragé, donné vraiment comment dire, du courage en fait Le en beau jeu. trucidant un mec en un coup avec un beau jeu. Et en dehors de ça, du coup, tu as ton, il me semble que c'est aussi ton arme, ton trésor, donc tu peux utiliser un des bonus avec ça. Et encore une question, est-ce que je peux aussi utiliser mon identité de bâton rouge du coup pour m'aider? Bâton rouge, ancien membre de gang, tout ça. Oui, tout à fait. Du coup, tu as même un des bonus, parce que l'identité, pour moi, là, elle rentre dans le truc. Tout à fait. Tu vas faire un jet d'allure avec un des bonus. Tu me donnes la difficulté, d'abord à l'oral pour voir si je fais une réussite automatique, parce que ça sera pas très ouf. Mais décris-moi l'action vraiment, du coup, comment tu la conçois maintenant que tu sais que tu peux le faire. Ça, pour Attends, moi, attends, c'est. du coup, au final, j'ai 5. Ouais. Ok, ouais, c'était juste pour être sûr. Voyons voir. Je relis juste un peu exactement quoi. Ah, faut que je fasse un truc. Alors, je vais faire un grand saut, tu vois. Genre, je vais pas, y en a un qui doit traîner par ici, là, par là-bas. Sans grosse armure ni gros bouclier de préférence parce que c'est un peu relou ça. Je vais faire un grand saut un peu majestueux, un peu tu vois comme le plongeon de la rivière, tout ça en mode en faisant un petit salto vrillé et tout. Et en retombant avec ma lame, avec la lame du coup du bâton. Non, en fait, non, juste avec le bâton, je vais lui mettre un gros coup en pleine face. Très bien. Du coup, quelle difficulté toi tu vois par rapport à ça, sachant que environ jusqu'à 16, hein, ça peut être très facilement des réussites automatiques, mais du coup, je considère que ça vous fera des pertes des points de légende, parce que c'est pas assez impressionnant. Ou est-ce que du coup, tu vas un peu plus loin que 16 et. Oh. Pour qui me prends-tu? Voyons voir ça. Attends, je regarde juste un peu déjà les tailles, je les connais pas par cœur. Vas-y, non, mais y a pas de soucis, il faut qu'on s'habitue tous au jeu, voilà, hein, je le répète un peu pour les gens qui regardent, désolé. Outre le fait qu'il y a un stream à gérer qui là m'a fait un peu galérer, voilà, il faut qu'on s'habitue tous nous aussi un peu au jeu, c'est vrai qu'il est On va se faire un original, hein, petit. C'est la donc il deuxième faut visite. qu'on. Et c'est que la deuxième Et session. c'est le retour de Gosset sur le stream. Oui, Incroyable! non, mais bien sûr, bien sûr. Ouais, je t'en redirai ça en même temps que le combat, etc. C'est passionnant de faire tout ça en même temps. Baoming, vas-y, dis-moi du coup. Un petit héroïque du coup. Ok, un petit théorique, sympa. Comme le Donc dit là, tu vas ce pouvoir. grand Xiao Tang, on est Wuxia, on l'est pas. Eh C'est oui. ça. Ah ouais, mais Ah, là, là, le jeu il se moque de moi. Mec, non, non, non, mais non, mais là, par contre, non, mais c'est-à-dire que là, Rolvin a décidé de vraiment. Toujours Ah des ouais, non, mais retirés là, à 1. là. Mais C'est en bien beau vrai, ça, hein. que En tu es vrai, légendaire. c'est Viens bien de le magnifique. J'ai une question. Je suis une légende. J'ai une question. Est-ce que tu as craqué un compte payant Rollvin et que du coup Rollvin l'a appris et te déteste à mort au point de faire rater tout le jet? Parce que honnêtement, hein, là, en fait, les gens, c'est que, ok, la dernière session c'était pareil, mais nous, les sessions d'avant aussi c'était pareil. Hein. Il n'y a que la première session qui a fait une Il a réussite. toujours ça. Mais Il a toujours ça. la Ah, j'ai dans pré-campagne, ma vie. la pré-campagne, c'était genre, il a fait 3 sessions sur 4. C'est que ça, il ne fait que des échecs. Du coup, on Les commence à échecs, se mais à poser rien. des questions sur son karma. Écoute, est-ce que tu utiliserais encore un point de Ying ou de Yang, quitte à vraiment atteindre les Ou bassesses de la juste vie? planter lamentablement. Ou tu juste te planter lamentablement? Non, non, là c'est un refus. En plus, c'est un petit truc stylé et tout. Je suis un héroïque. Ça va pas le Non, coup. non, mais tente de rajouter un D8 en vrai, ça serait joli. Ouais, c'est ce que je vais faire. On va enlever Un le minus D8 en d'allure. plus. Mais franchement, franchement, si le D8 supplémentaire c'est un 4, à partir de maintenant, je pense que tu peux tout de suite ressauter dans le puits et retourner dans ta cellule. Ok, Non, mais on. vas-y, je t'ai retiré un point de Yang, relance-moi un D8. Déjà, je pense que la prochaine fois, je vais me créer un nouveau contrôle 20 pour la prochaine Je session. pense. Je te conseille. C'est bon. Pourquoi un Alors, 6? Donne-moi un plus petit nom, ouais, ça va te faire j'en peux. mal en termes de points de souffle, mais prends-le bien, tu vois, genre, ça aurait pu être pire. C'est un T'aurais point de pu Yang, c'est ça? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? C'est moins un point de Yang, c'est bien ça? Ouais, Ok, ouais. c'est ça. Et du coup, là, bah, t'as retrouvé ton déséquilibre interne de 2, parce que t'as utilisé un yin et un yang, donc tu gardes ton équilibre dans ton déséquilibre, hein, c'est bien. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Tout ça pour dire, du coup, et bonsoir aux arrivants, désolé un peu hein, pour la tenue du stream, il y a eu quelques galères qui ne sont pas de notre fait. Mais j'espère que du coup, la suite vous plaira. Du coup. Tu vas t'épuiser de. Tu as fait du coup plus 6, 23 plus 6, ça fait 29. 29, 4, aidez-moi, ça fait 5, il me semble. Donc 5 points de souffle en moins, sachant que tu étais déjà. Que tu en avais déjà perdu 3, donc 12. 12 moins Et il m'en 5. reste 7. C'est ça, merci. Merci de m'aider à faire les calculs, j'étais perdu là. De rien. Ok, il te reste 7 points de souffle. Je rappelle que tu peux en gagner au repos déjà, en te reposant, ce qui est déjà envisageable. Mais aussi. En utilisant ton Neigong, tu peux, il me semble que c'est le Neigong, si je dis pas de bêtises. C'est où? Excusez-moi, je vais relire mon écran de jeu parce que je suis pas doué. Un point par action si le sang ou le souffle. Oui, ça je sais, mais pour regagner. Oui, voilà. Tu peux regagner un point de Yin ou de Yang contre, enfin un point. Contre en fait un point de Neigong, tout ça pour dire ça, putain. Mais sinon, le mec que j'ai tabassé, il n'avait pas par hasard un onguent dans sa poche qui soignait les points de souffle. Ce serait trop bien. Qu'il Alors non. fait chuter sous le Dans cou. tous les cas, du coup, tu as fait un jet réussi à 24, c'est ça? Exact. Donc taille Héroïque. 6, donc tu fais 1, 2, 3, ok. Waouh! Tu fais des jolis dégâts. Est-ce que tu visais, pour savoir, est-ce que tu as visé quelqu'un qui n'a pas encore été touché, quelqu'un au bouclier ou quelqu'un qui a été touché par Glossed? Non, quelqu'un dans pleine forme. Moi, je crois pas Ok, les. en plateforme. Du coup, t'arrives, tu fais l'action que tu nous as décrite, c'est pour ça, soyez très descriptifs dans vos combats, n'hésitez pas, parce que c'est vous qui faites le boulot, là, pour une fois, c'est pas moi. C'est vous qui en. Plus vous faites des trucs jolis, plus vous serez récompensé, plus vous ferez des descriptions nulles, et moins vous aurez des points de légende. Donc n'hésitez pas, soyez descriptifs, jouez là-dessus, mais en tout cas, tu arrives, tu fais ce que tu décris, et tu as retiré, parce que je suis gentil, je le dis, 3 points de sang, du coup, aux gardes, juste lui. Voilà. Et attends, parce que du coup, il y a dans mon effet de ma frappe stylisée, il y a marqué que je gagne autant de points de légende que de dégâts Ah! infligés. Et Bien, c'est du pour coup, ça qu'elle tu est gagnes. intéressante. Ah, mais oui, c'est là que je te reconnais bien. Et du coup, tu vas gagner C'est là qu'il me effectivement gratte les points, en 3 fait. points de légende par cette action. Non, non, mais Plus tu as les tout à fait points du jet raison. héroïque, non? Ouais, Ou en alors plus, un plus jet les points quand héroïque. c'est réussi Plus parfaitement. les points du jet héroïque, Ah, effectivement, c'est vrai que mais. j'ai eu des points là-dessus aussi, moi, trop bien. Voilà. Mais voilà. Envoyez des points de légende, s'il vous plaît. Hop. T'es en retard aussi. Il a une famille à nourrir. Ok. Ok. Oups, pas tombé. Ok. Du coup, la suite, du coup, vu que Baoming a agi, c'est Jatseng qui doit agir. Jatseng. Qu'est-ce que tu Alors, fais? du coup, il y en a un qui est mort. Je peux avoir un récap de ce qui reste de mes adversaires? Bien sûr, il y en a un qui est mort, deux qui se sont pris une petite éraflure par Shuang. Oui, non, mais un point de sang, c'est pas non plus la mort. Hein. C'est les mecs qui se sont piqués, quoi. Mais bon, tu l'as fait de manière magnifique, et en plus de ça, tu as pris un dessus et tu as blessé deux personnes. Hein, parce que tu aurais pu lui faire beaucoup plus mal si tu t'étais concentré sur une personne. Donc, je ne réduis pas du tout ton action, attention. Hein. Mais enfin, bref, du coup, il y a deux personnes qui sont à peine blessées, mais qui le sont, en tout cas. Ils ont une petite coupure là. Ah oui, la petite coupure. Et il y en a un qui s'est effondré sur lui-même. Vous demandez s'il a encore des os. Et un autre qui vient de se faire laminer totalement par Baoming, qui est ensanglanté, mais qui se relève en titubant, prêt à reprendre le combat. Ah ouais, costaud. Ok, Bah, alors hyper. à ce moment-là, je vais. Du coup, tous les ennemis sont un peu en pack. Ils sont tous regroupés au même Ils font endroit. un cercle autour. Ah, il faut Un un cercle cercle autour autour d'eux. de nous, ce qui fait que du coup, Et nous, on fait un cercle à l'intérieur pour leur faire c'est face, en ça. gros. Ouais, c'est ça, trop stylé. Un peu comme chez les Ouais, c'est Talcodic ça. anonymes. Ça. Vous êtes dos à dos et eux, en fait, ils forment un cercle Mais du côte à coup, il y côte. a Kaokai ou il y a Tsaotsai ou pas? Bah, face à tout. Ah putain, j'ai oublié ça. Pardon, au tout début, quand vous êtes rentré dans la salle, flashback, quand les gardes sont arrivés, ils ont assommé Kaokai. Voilà, la suite. Direct! Je suis le pire MJ que vous connaissez. Non, tu sais, je me posais une question depuis tout à l'heure. À quel moment il va nous le faire partir? Mais non, mais en fait, c'est parce que vous êtes passé par un chemin que j'avais oublié d'écrire. Et donc, du coup, en fait, j'avais des situations pour tous les autres chemins sauf celui-là. Du coup, j'ai réparti une autre situation sur celui-là. Sauf que dans tous, j'avais prévu que, bah, tu vois, de manière symptomatique, que Kaokai se fasse Tu défoncer là. t'enfonces, tu t'enfonces, tu t'enfonces, tu Mais t'enfonces. non, mais non, mais non, je préfère être honnête avec mes joueurs. Et du coup, bah T'as voilà. oublié que t'avais des joueurs originaux et C'est que bien ça. sûr on allait prendre le chemin qui n'était pas Et prêt. du coup, en fait, du coup, j'ai totalement oublié de faire disparaître Kaokai parce que j'étais dans la panique en rentrant chercher tous mes dossiers, etc. Donc Bref. voilà, Kaokai a disparu, voilà, pouf, oh, bouh. Je suis le pire Bon, il MJ se du trouve monde. des adversaires face à moi. Je pense qu'il y a des. Du coup, il y en Voilà, a genre reprenons le quelques-uns quand même combat. face à moi. Du coup, Oui, non, bien je sûr. m'avance vers eux. Je fais l'attaque tournoyante. Ok, J'ai tu pas connais de. Attaque Tournoyante? Effectivement. Mo, ouais, effectivement. Je fais tournoyer mon Quel bâton style? pour frapper directement dans les jambes. C'est le style explosif, si D'accord. je me souviens. Hein? Tournoyante, tu dis? Je suis pas Tournoyante. Non, c'est Non, pardon, flamboyant, c'est c'est le flamboyant. style flamboyant. Ah, c'est pas Style pareil. de l'allure. Tout à fait, donc toutes les cibles au contact dans un rayon de 180, ouais, évidemment. Après, c'est pas le plus optimal, effectivement, pour la distance, donc tu pourras peut-être toucher peut-être deux personnes avec de la chance. Donc, du coup. Et en plus, tu vas leur obliger de faire des jets de défense active, donc c'est pas mal. Donc, c'est ce qu'on va faire. Ils vont faire leur défense active, et on va Excusez-moi, voir ce qui se passe. Bien attends, sûr, ce oui. magnifique moment, monsieur l'AMJ, mais est-ce comment on apprend les techniques déjà, j'ai oublié. Les techniques, c'est grâce aux points Ah, c'est des d'éveil. points d'éveil. Que vous avez en bas, en fait, les points d'éveil, vous les gagnez soit avec des jets magnifiquement réussis, des réussites parfaites, soit avec des mentors, des grimoires, ce genre de choses. Et en fait, on pourra suite. Oui, je sais, Gossette, c'était ce qui était prévu à la base. Non, mais je vous jure. Du coup, je me suis perdu, et en fait, bah, voilà, c'est de l'évolution, c'est des points d'expérience, et tu vas pouvoir les dépenser. Moi, je veux juste qu'en RP, il faut que tu me dises vraiment que, enfin, il y a un moment qui soit propice à ce que tu les apprennes, et que ce soit pas par magie entre deux sessions, quoi. Voilà, mais sinon, voilà, tu pourras apprendre cette technique-là. Est-ce que Revenons à. Oui? Bref. est-ce que admiratif devant le magnifique coup Non, non, ça marche pas en de Jia5, 5, Attends, je peux Ça tenter de le marche copier avec éventuellement en genre secret. de la vraie. Tu vois, il faut apprendre, tu vois. J'ai Ok. un ami qui dessine très bien, c'est pas pour autant que j'ai appris à dessiner immédiatement en le regardant. Du coup, revenons à Jian 5, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on était en train de faire? Parce que là, du coup, j'étais perdu. Tu me disais que tu faisais une attaque Attaque tournoyante. tournoyante, et Je du faisais coup, oui, l'attaque tournoyante, je devais faire leur appuyée jet par le. passif. Je devais Et déjà. puis moi, j'ai surtout, Oui. je vais utiliser mon trésor légendaire, la branche de foudre, Tout à fait. qui va me Qui permettre de les te attaquer rapporte directement et avec un point, enfin, sachant que tu as deux dés bonus, enfin du coup avec un dé bonus supplémentaire, toujours grâce à l'action magnifique de Xiangteng. Et il me semble que bah, c'est tout. T'as aucune identité qui rentre là-dedans? Bah être un enfant de la rue ou un héritier. Ah, peut-être héritier des secrets. Non, héritier des secrets, ça Ouais, serait. on est Enfin, d'accord. ouais. Même si en soi je me sers d'un truc, mais bref. Ça pourrait, mais non. Ça pourrait, mais Du non, coup, on est ok. d'accord. Du coup, ça fait combien de dés? J'ai pas le compte. Ça fait 3 Mais plus la 2 question, c'est plus que. 1. Question que j'ai oubliée, désolé, hein, c'est peut-être moi. Tu la connais cette attaque ou pas? Oui, je la connais. D'accord, tu la connais. Donc toi, tu n'as pas de malus, donc ça te fait 2 dés bonus. Du coup. Plus la rumeur, plus le, etc. Donc ça me fait 3, ça me fait 6 dés, c'est ça? Je sais pas, t'as combien J'ai en 3 en allure? allure. J'ai 3 Donc en ça fait allure, j'ai 5 dés, combien ça de fait 5 bonus? dés. Ouais, mais j'ai le bâton. Oui, mais Qui compte comme une tu peux. rumeur. En fait, c'est soit tu utilises ton trésor, soit tu utilises une rumeur légendaire. Tu sais, c'est pareil, c'est pas cumulatif. Pouh. Ah, Cumulatif. d'accord. Oui, bah moi aussi, du coup je suis déçu. Ouais, Oui. c'est bizarre, ils disent que ça fait et le bonus de dés et ça. Rien. Bah je relirai On les règles pour demande au toi si tu veux. créateur Et du j'ai jeu. re... Non, normalement j'ai relu. On demandera au créateur du jeu. Non mais normalement j'ai Ouais. relu et moi j'ai compris que bah c'est pas cumulatif et du coup c'est soit tu utilises ton trésor, soit tu utilises ta rumeur. Après peut-être que c'est moi, dans ce cas Bon désolé, bah on du coup je vais parlera plus utiliser tard. les 5 dés, c'est pas grave. Tu dois peut-être confondre avec le trait d'identité. Dans Ça, tu tous les peux cas, cumuler. 5, oui, le trait d'identité est cumulable. Dans tous les cas, avant que tu fasses ton jet, il faut, et on va voir du coup la défense passive. Alors, pour la défense passive, je vais devoir tirer du coup les deux concernés et on va voir du coup tout ça. Donc, mon roll 20. J'ai beaucoup trop de fenêtres ouvertes. Hop. Et donc. Pendant ce temps-là, si tu veux, pendant que je fais des jets et que c'est pas le moment le plus intéressant, tu peux décrire ce qui se passe vraiment dans ton action. Bien, je m'avance face à mes adversaires et je fais tournoyer mon bâton autour de ma tête, pour, enfin au-dessus de moi, pour frapper, pour donner un grand coup dans la transversale et faire un maximum de dégâts à ces deux adversaires. Ok. Ok. C'est pas. Du coup, nombre de dés. Hop, hop. Tac. Ok. Tac. Je vais peut-être de. Je sais pas, on va essayer ça. Hein. Hop, ok. Bon, on va prendre ceux qui les arrangent le moins. On va prendre Pali. De toute façon, c'est dit, hein. Ouais, l'attaque tournoyante, ça prend celui ouais, qui a le qui moins. Prend le moins, ouais. C'est le principe même de l'attaque, effectivement. Donc, du coup, le palier minimum que tu peux viser, c'est le palier audacieux. Sachant que plus tu vas aller au-dessus, plus tu vas leur faire des dégâts dans la gueule. Ah, oh, je tente évidemment l'héroïque et je lance. Oh. Et ma vie, c'est de la merde. Bienvenue au club. What the fuck? Très joli, très très très joli. Oui, oui, oui. Bam, échec, on aime beaucoup. C'est pas une complication. C'est pas alors, beaucoup, en tout cas. Je sais pas, t'as combien de. De ah, bah tu. Ah, attends, tu as 2, 4. 8, 2, 4 sur 5. C'est bon, ça va, tout va bien. Ouais, ça va. Ah, ça pique, hein? Ça ah, ça pique. Par ouais. contre, c'est ce qu'on appelle quoi un échec lamentable. Ouais, quoi qu'il arrive, je peux pas le réussir. Donc, ah, t'es lamentable. T'es comme ça. Ouais. Bah écoute, au moins, tu as l'avantage que dans ton échec, tu fais quand même perdre leur défense active et du coup leur action à deux d'entre eux. Donc, c'est toujours ça de prix. Par contre, voilà, tu t'avances hein, pour faire ton attaque tournoyante. Sauf que les mecs sont pas nés de la dernière pluie et vont juste en fait se baisser. Et d'ailleurs, c'est à eux de jouer. Donc, l'un d'entre eux va même faire. Ben non, pas l'un d'entre eux, mais un autre, du coup, va faire une contre-attaque. Parce que eux, ils utilisaient leur défense passive pour. Enfin, active pour ne pas se faire toucher. Donc, du coup, il y a un. 2, 3, 4, 5 gardes qui doivent faire leur attaque. On va voir ça tout de suite. Alors. Ils vont tenter du coup. Je suis alors, très déçu. Ça sent que ça va être toi la première cible, étant donné que tu viens de te rater, donc tu es dans un moment de faiblesse. De donc façon c'est le moment, tout à fait lamentable. Ouais, non, totalement. Là, c'était. Pouf. J'ai glissé et en même temps, je les ai ratés. C'est nul. C'est beau. Donc ta défense passive non. est de 12. En faisant tournoyer mon bâton, j'ai tapé contre le puits et il est tombé par terre. J'ai regardé mon bâton. Exactement. C'est excellent. Oh, merde. Très très bon, ça j'aime beaucoup quand vous revenez sur ce genre de choses. Donc, ta difficulté est de sur vous, vos donc t'es en train de regarder ton. Ah putain, ouais, non, ils vont juste tenter ça. Ok, ils sont pas plus ils forts sont... que toi. Ils sont plus que moi. Ah, heureusement, ce sont des gardes entraînés. Du coup, des gardes entraînés, mais niveau Stormtrooper quoi. Exactement, il arrive vers toi avec une lance. Tu vois qu'il est là en fait pour te planter tout simplement, hein, te transpercer de part en part. Hein. Et tu sais pas, il titube au moment d'arriver sur toi, il glisse à moitié sur ton bâton et il se remet en position. Il te regarde genre, aussi con que toi, tu te regardais il y a quelques secondes tout seul dans ta solitude. Y a des gens doués par là. Par contre. Shuang Manziao, tu as fait aussi la pression, donc tu vas être toi aussi pris par l'attaque d'un des hommes au bouclier. D'ailleurs, du coup, le cercle hein, se détruit totalement. Alors là, on arrive à un point. Tu as combien en défense passive, dis-moi. Alors, il faut que tu me. Vu que j'ai pas eu la chance de pouvoir participer. Une fois. Alors, c'est défense passive, j'ai 12. Pardon. Ok, 12. Ah putain! Ah non, c'est bon, j'ai cru que c'était le même jet, je t'avoue. Oh là là, tu t'es fait éclater là par contre. Ouais, honnêtement. Ça va, non mais en fait, c'est ça, on regroupe les gens qui sont efficaces entre eux. Exactement. Donc, c'est ce qu'on appelle une fessée. Du coup, il arrive vers toi. Il te charge. Lui, ce qu'il va faire, c'est un tout simplement. Non, c'est pas le bon coup. C'est pluie de coups, voilà, qui en fait va te matraquer à faible coup, tu vois. Genre, il te donne, il va s'acharner sur toi, mais oui, il enchaîne les séries. C'est le nombre en fait qui est censé te faire mal et pas forcément la frappe en elle-même. Mm-hmm. Du coup, c'est imprécis, mais par contre, sa force, ça te touche. Bon, la défense active peut se baisser, mais comme tu n'en as pas, on s'en fout. Et tu vas perdre du coup un point de souffle et un point de sang. D'accord. Ce qui, honnêtement, ça va. Ceux autour de moi, ils sont effrayés ou pas de ce que je viens de faire? Non, personne n'est effrayé. Hein. Ils sont là. Personne n'est effrayé quand même, clairement. Ils sont là pour quoi? De toute façon, vous sentez, hein, à partir du moment où ils sont rentrés dans cette salle, hein, c'était pour se battre. Hein. Les mecs ont. Ouais. On laissait aucun doute là-dessus. Du coup, voilà, moins un de chaque. Et du coup, on peut enchaîner avec. Alors, lui, il a agi. Hop, lui. Il a agi. C'est le mec qui s'est raté. Totalement con. Je vous jure. Allez, maintenant, ça va être au tour de notre ami. Xiang. Yes. Si je prononce pas mal. Du coup, tu pareil, hein, là par contre, tu vas avoir l'assaut de deux personnes. Une des personnes qui a pris un des du dard de notre ami Shang Manzhao et une des personnes au bouclier. Tu vas te subir du coup deux attaques en même temps. Parfait. En défense passive, parce que tant qu'à faire, la vie est belle. T'as combien en défense passive, s'il te plaît, que je sache? En défense passive, j'ai pas beaucoup, je crois. Oh, j'ai 8. Ah, putain, ils peuvent te faire plus mal que les autres. Ah, et ça touche, ah là là. Alors attends, si je suis pas con, normalement c'est ça. Bon, on va dire que j'ai fait 5, hein, c'est parce que je sais pas compter. hop. Putain, en plus, je suis con, il y a le chat sur le stream, tout le monde a vu, merde. On a vu ton incompétence. En profiter, les gars. Choisir, tu peux faire choisir un D8 moins 1 si tu veux. Ouais, comme non, ça fait joli. on peut gratter, les gars. Okay. Il faut jouer. Il y en a un qui loupe et l'autre qui réussit. Hein. Exactement. Les deux te foncent dessus. Toi, tu viens juste de terminer ton coup. Tu viens d'effondrer le mec. Voilà, t'es pas non plus prêt à réagir. Il y en a un. Je peux pas. Au moment de qui, mais c'est pour ça que je dis ça. Au moment en fait où il réalise que le mec qui est à tes pieds est genre mort et la peau a l'air vraiment genre défoncée de type t'as vraiment broyé tous ses os, tu vois, c'est une soupe le mec. On m'appelle ça, le boy ça le stop et fait de la bouillie de Jing. Par contre derrière l'autre arrive et te balance un gros coup, non pas de la lance tranchante, mais l'autre tu sais du côté plat, plein ouais, dans, le côté dans de la les garde. Jambes. Pour du coup te faire perdre un point d'initiative au prochain tour, histoire de t'affaiblir. Du coup, voilà, t'as un coup dans les jambes et lui aussi agit. Je regarde, est-ce qu'il en reste un? Oui, il reste un petit peu. Enfin, il en reste deux en réalité, mais un va passer son tour parce que c'est le mec qui a pris cher par notre ami Baoming et même s'il s'est remis au combat, là tout de suite il se sent pas. Quant à l'autre, bah, il va tenter d'attaquer. Bah, qui n'a pas été attaqué? Il y a une personne qui n'a pas été attaquée, non Baoming? Oh. Baoming. Moi je suis en plein Baoming n'a pas été attaqué. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Ah bah du coup, j'ai pour ma défense, j'ai été attaqué par la malédiction de Rolvin. C'est vrai. T'as combien en défense passive, s'il te plaît? 12. Ok. Oui, et d'ailleurs, comme je t'ai pas dit, mais Yamato, tu perds 2 points de sang et 2 points de souffle. 2 points de sang, ok. N'hésitez pas à le prendre en note, parce que là, ce soir, vous l'avez compris, je suis un peu débordé. j'ai pas mal géré. Et putain, qu'est-ce qu'ils sont nuls. J'ai de la chance. Oui, voilà, il a de la chance. Il va pour te foncer dessus, et sans aucun problème, tu t'écartes de lui, mais genre en mode. C'est tranquille, le temps qui se retourne, t'es prêt à contre-attaquer. Justement, parce que nouveau passe d'armes, Zhongteng, tu n'es plus premier, est-ce que tu as eu moins 1 Mais oui, c'est la question que je vais poser, est-ce que je garde ou pas? Mais je pense que c'est à lui de l'avoir, hein. Il mène le combat. C'est lui qui passe en dominant, puisque maintenant, tu c'est perds Shang qui des... passe en dominant, parce que toi tu es maintenant si je me trompe pas, 5. Tu es. C'est ça À 5. Tu étais. Oui, c'est ça, à 5. Je sais pas pourquoi je réfléchis comme ça. Et du coup, tu agiras en même temps que Jatsang et Bao Ming. On a le droit même. Monsieur Meng, est-ce qu'on a le Oui. droit de faire une esquive stylée quand même, même si le monsieur rate? Bien sûr, hein, ton esquive peut être totalement stylée, mais elle t'apportera pas de bonus immédiatement parce que tu as déjà fait ton action. Ouais, mais je fais quand même une esquive stylée, genre je saute de sa tête et je fais une roulade. Ah bien sûr, c'est le style qui compte, hein, tu as raison. Bien sûr, toujours. Du coup, Shuang Manzhao, tu es le dominant de cette session. Donc c'est toi qui vas agir en premier, c'est toi du coup qui a tous les avantages, si on peut dire ça comme ça. Je les rappelle, comme tu es dominant, tu peux faire ce qu'on appelle un en garde. Donc tu peux simplement décider de ne pas agir en premier et de laisser la place aux autres pour, encore une fois, dominer le rythme et leur obliger d'attaquer avant toi, par exemple. Ou tu peux tout simplement faire ce qu'on appelle l'attaque foudroyante, qui te permet de ne pas avoir de défense active pour l'adversaire, que tous les dégâts sont majorés à la valeur de l'attribut, et que les dégâts létaux peuvent endommager les protections au lieu d'impacter le sang. Ce qui, encore une fois, peut Alors, être utile face à des ennemis je pense que protégés. ce sera une attaque foudroyante. Maintenant, alors vu que je n'ai pas pu participer à la session que j'ai fait la dernière fois, j'aimerais savoir, tu nous as dit que les coups peuvent être dans notre fiche. Enfin, il y a des coups qui sont en rapport avec la fiche, je sais pas pourquoi. Mais moi, par exemple, bon, tu connais ma fiche, qu'est-ce que j'ai comme coup là-dedans que je peux utiliser? C'est ceux qui sont marqués en Dans ta coin en fiche. bas. Alors, qu'en fait, comme tu es quelqu'un contemplatif, donc soit pacifiste, soit Ah, c'est pas bon. plutôt sournois, Ouais, hein? tu n'as pas appris de coups spéciaux. Donc, ce qui D'accord. fait que Ah, ok. Bienvenue au club, chef. tu peux utiliser n'importe quel coup spécial qui est dans la liste, mais tu auras un malus de 2D. Jour 2 moins 2 moins 2. Il n'y a que deux bourrins ici, d'accord? Eh bien, dans ce cas-là, Top la liste des je bourrins. suis Je sais pas où parti. t'es là ou pas? Ouais, ça marche. Ok, parfait. Alors, j'étais parti pour du complexe pour faire une frappe perforante. Très C'est-à-dire bien. que si tu... Donc, je vais faire tourner mon dard volant, ma pointe du diable, et essayer simplement d'empouiller la pointe ici. Perforer directement la gorge La de mon carotide. assaillant direct. Ok. La carotide qui est visée. Voilà. Attends, comment tu l'as appelé La ton saignée. attaque? J'ai du C'est mal une avec le. frappe perforante qui se trouve dans le style Perforante. complexe. Ah, complexe, hein, j'étais pas dans le bon, c'est pour ça. Voilà. La frappe perforante est une attaque droite amplifiée par un mouvement d'enroulement sur elle-même Oui. pour augmenter sa force de pénétration. Elle est généralement plus précise et plus dangereuse, mais prend également plus de temps à toucher. Effet, la frappe perforante sert à toucher un Oui. point précis, voire à le traverser d'un coup sec. Merci pour la lecture du livre. Ah De ouais, toute façon, on voilà, n'en dit ça pas peut trop, hein, parce servir. qu'après, les gens, ils pourront ne pas acheter le livre. Ah. Du coup, très bien. Contre qui tu portes ton attaque? Je rappelle qu'il n'y a qu'un seul mort pour le moment. Du coup, ça fait qu'il y a encore 7 gardes debout, mais un est énormément amoché, deux le sont un tout petit peu, et le reste va très bien. Eh bien, je vais continuer sur un des deux gardes que j'ai touché Amoché. la première fois. Ok. Voilà. Donc là, du coup, comment ça se passe? J'ai donc 3 en force intérieure, puisque ça prend la force intérieure. Et donc, du coup, je... Du coup, tu utilises son arme, donc tu as droit à un des bonus. Ouais, donc ça fait 4. Et donc, j'ai un malus de 2, c'est ça? Et tu as le malus de 2, parce que tu connais pas cette compétence, tu ne la maîtrises pas. Donc du coup, de 4D, tu passes à 2. tu as peut-être une identité? Rappelle-moi tes identités. Une identité. Oui, non, c'est bon. Je te accorde l'identité. Bah, en tant que disciple d'une école, tout simplement. Hein, tu as Oui. l'identité qui va avec. Donc, ça fait que tu as 3 dés pour le lancer. Ce qui est juste assez, je pense. Ouais. Du coup, ça, par contre, ce qui est très bien, c'est que tu ignores leur protection. Donc, enfin, voilà, je veux dire, elle est très bien. Par exemple, je dis ça pour le reste, mais pour les gens qui ont des boucliers, ça ignore pile leur bouclier. Je dis ça, je dis rien. Eh bien, du Voilà. coup, je vais lancer bah, 3D. Je vais rester sur une impressionnante, comme tout à l'heure. Très bien, Mais donc que une je n'ai deuxième pas fait, en impressionnante. fait. Hein? Tu es sûr que tu pars sur une deuxième impressionnante? C'est un peu flébard quand même, hein, comparé à tes amis. Mais après. Nous, on a tout fait de l'héroïque, hein. Après, tu n'as Enfin, que 3 j'ai dés, je 3D. suis On n'a d'accord pas avec tous toi. réussi, par contre. Oui. Je suis d'accord avec toi, tu n'as que 3D, mais c'est mon rôle de Tu MJ peux de quand te même foutre la tenter pression parce l'héroïque. que tu fais des mauvais jets. Non, Que t'es mais nul. non. Soyons sérieux. Sur un triple 8, tu peux réussir. Ok. Non, Alors, mais vu que tu on as va rester 3 sur une dés, impressionnante. il me semble en termes de probabilité, le 16 est quand même un peu plus difficile à obtenir, donc je vais quand même te le faire lancer pour celui-là. Par contre, je note, ça fait quand même 2 fois que tu utilises 16. Monsieur, comparé à tes amis. Hein? J'ai moins de dés, Ah oui, hein, non, voilà. mais oui, Et sachant bah, que. fallait pas faire du contemplatif. Non, mais Ouais, mais regardez, j'aime Bowming bien est regarder les contemplatif, il choses. s'en sort Fallait très pas bien. être nul. Bon, allez, du coup, fais-moi ce jet. Alors, hop, faisons ce jet. Alors, nombre de dés, 3. Non, pas 30. Allez, essayez d'être par contre rapide quand vous faites des jets. Parce que déjà que j'ai un peu du mal, je vous avoue, à donner un bon rime, je le reconnais. Eh bien, Alors. c'est super nul! Le double 4 qui revient. Oh, la complication totale! Ah, totalement. Tu arrives, tu Déclamantable! balances du coup ton dard, hein, comme tu l'avais décrit. Hein, ta description marche bien, hein, pour l'instant, tu te vois sur le toit. Quand tout à coup, il y a. Non, Elle l'attrape. ça Il va être attrape lui le directement. dard. Exactement. Le garde, du coup, qui a amoché, il s'est déjà fait attaquer par ce dard. Il commence à connaître sa trajectoire. Il enroule son bras autour de la chaîne et tire d'un coup. Toi, tu te ramasses au sol et c'est lui maintenant qui a ton arme entre ses mains. Trop bien. La même attaque ne bon fonctionne pas deux fois contre un chevalier. Exactement. Et du coup, maintenant que vous Il est voyez mort de votre ami se pégase! ramasser au sol, Xianteng, Bao, Jianseng, vous agissez en même temps, donc dites-moi d'abord qui agit en premier, puis en deuxième, et en troisième, Moi selon qui j'aimerais vous bien. mettez d'accord. Tu vas Moi agir en j'aimerais premier? bien Bah, agir en vas-y. premier. Ouais. Ah bah, Du vas-y. coup, je vois mon adversaire qui commence, qui essaie de me frapper. Moi j'ai mon Oui. bâton comme ça. Je le regarde un peu ahuri. Mais vous allez blesser quelqu'un avec cette arme! Et j'utilise la technique de mon école qui s'appelle la dignité du mendiant. Oui. Quelle dignité. Allez, oh, ça Et va. Franchement, je vais j'aurais fait attraper un mon. vivant Je à ta vais place. Alors, s'il vous plaît, s'il te plaît, parle en même temps. j'attrape mon bâton, je le fais tournoyer au sol, je le Trop fais bien. je le frappe dans les jambes et en même temps j'essaie de. Je m'appuie sur ses épaules pour passer derrière Ok. et mettre mon pied sur son. Alors, du coup, sur une son dos. technique veut sûrement dire, si je me trompe pas, que ça dépense des points. Des points de Oui, je souffle. crois que ça dépense. Ah, Du c'est coup, des points de souffle. Oui, le Neigong, c'est pour le Wugong. Oh, mais c'est trop bien. Oh, putain, je peux faire ça tout le temps! Du coup, alors, on va faire ça doucement. Tu as le choix de faire soit un jet, comme tu veux, de Kung Fu, soit d'allure. Tu Je vais as faire un jet d'allure. un bonus de 3D pour le faire. Donc, déjà, t'es super bien, parce que tu es maître là-dedans. Ah non, d'ailleurs, je suis con, c'est allure ou force intérieure. Hein. J'ai regardé la mauvaise colonne, désolé. En plus de ça, qu'est-ce que je Et voulais dire? je Oui, vais le point de souffle. Du utiliser coup, tu vas perdre 3 points de souffle, par contre, il me semble. C'est ça? 4. 4 pour Non, mettre. non, non, non, non. Mettre. Quoi? Oui, putain, putain, je regarde les gongs. Il faut vraiment que je me remette à fond dans ce jeu. Hein. Je fais C'est n'importe pas quoi. bien dire des Désolé. grands mots. Oui, Bref. excusez-moi, ne dites pas de gros mots, vous êtes de grands champs. Maître. Non, maître, c'est d'ailleurs 6 points de souffle. C'est 2, 4, 6, 8. Donc, Oui, techniquement, maître, effectivement. 6 points. Donc, déjà, tu perds 6 points de souffle pour faire ça, ce qui est certes épuisant, mais d'un côté. Ouh, c'est vrai que ça fait mal par contre pour toi. Il va t'en rester 7 aussi. Si je me trompe pas. C'est Si je pas me trompe grave, pas. je joue le beau jeu. Tout à fait, t'as raison, joue le beau jeu. Par contre, voilà, t'as 3 dés supplémentaires, en plus de ta compétence, en plus de ton dé supplémentaire pour ton arme, donc tu es déjà à 4 dés supplémentaires. Non, je vais utiliser plutôt ma gloire, la gloire qui Oui. rend mon kung fu foudroyant. Mais ce n'est pas un jet de Kung Fu, il me semble, non? Ou je Ah, me... effectivement, oui, non, ça se tient. Ah, oui. Non, ok, vas-y. Du coup, bah, t'as quand même 4 dés supplémentaires, ce qui est pas dégueu. Ce qui me Dis-moi... fait 4 dés supplémentaires, avec l'allure, ça me fait 7 dés, c'est ça? Ouais, bah quelle difficulté en fais-tu? Ouh, et bah je vais tenter. Bah déjà je note que je fais 7 dés et parce que je. Oh là là, ah je la loue. Allez, on Allez. va dire légendaire. Oh oui, vas-y, fais-nous rêver. Me lâche pas sur ce coup-là. S'il Si. te plaît. Vas-y, fais-nous Bouddha rêver, soit loué. vas-y. Oh. Aïe! Oh, c'est triste, c'est nul. C'est d'une tristesse. C'est Ah, c'est d'une nul, au douleur mieux, surtout. je fais 18. C'est nul, c'est nul. Le jeu qui a décidé Y a de ça. Au moins, il y a un deny. 8 après, tu vois. Ça, tu vois. Ça, c'est le karma de Roll20 pour s'être moqué de moi. Si je réussis mon prochain jet. L'horloge atomique a décidé de mettre Waouh. des petites pichenettes. Alors, Non, la c'est un retourne. échec lamentable. Ouais, ça Je suis voulait trop commencer en déçu. premier, c'est ça, Je suis trop déçu, c'est nul. Bah, du coup, je suis dépité. Oui, t'étais censé faire tourner ton bâton, etc. Mais en fait, tu le ramasses, tout fier de toi. Et attends, est-ce que tu as fait de complications ou pas? Non, je crois Non, il n'y a pas. pas de complication, j'ai Ok, 7 dés, il n'y a que classe. 4. J'avoue, 7 dés quand même, faire une complication, c'est un peu compliqué. Bah, faudrait faire Ça va vite. 4-4. C'est un peu chaud. Ça Putain, va mais j'ai vite. fait 3-4 sur les 7 dés, c'est Mais nul! voilà, tu C'est vois, à un dé près, hein. Enfin bref. nul! Un des prêts! Bref. Tout ça pour dire que bah tu vas pour faire tournoyer ton bâton et tu y vas beaucoup trop fort, fier de toi, t'es en mode ah ça y est, je vais leur montrer ce que je sais faire, et ton bâton commence à s'envoler en l'air, et toi t'es en mode ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Et pendant ce temps-là, heureusement que Baoming ou Xiongteng agissent, dites-moi Tu veux quoi, Bombing? Je Ah, regarde mon vas-y, bâton s'envoler. laisse-moi. Moi, j'ai une idée pour mon action là depuis tout à l'heure, je la réchauffe là. Allez, vas-y, Okay. fais-moi On est rêver. d'accord? Tu as dit qu'il y en avait deux qui étaient encore intacts, c'est ça? C'est C'est ça. ça, c'est ça. Il y en a deux Et c'est ceux intacts. qui ont les boucliers ou pas? Il y en a un qui est Ah oui, non, derrière moi qui est pardon. En intact. fait, il y en a quatre qui sont intacts, deux boucliers, deux normales, parce que je divise les deux sur ma fiche, c'est pour ça que je les Celui divise. derrière moi, il a un Ok. bouclier ou pas d'ailleurs? Il y en a Mais. deux qui m'ont attaqué, dont un qui s'est recalé, et celui qui a été Alors, recalé. il me semble que ceux au bouclier, il y en a un qui t'a attaqué toi et un qui a attaqué Chuang, il me semble. Dites-moi si je me trompe, Ok. c'est possible. Je ne suis pas non fiable. Enfin bref. Du coup, tout ça pour dire que qu'est-ce que tu veux faire? Il y a effectivement 4 personnes qui tiennent sur le bout, 2 boucliers, 2 sangs. Ok, bon, on va encore faire une frappe stylisée, bien sûr, hein, comme d'habitude, toujours. Ok. Monsieur veut des points de légende. J'espère Ah bah une ouais. description bi assez différente pour que ce soit intéressant visuellement. Hein. Attention. Ouais, t'inquiète pas. Alors, ce coup-ci. Bon, déjà, celui que je viens de frapper, je l'abandonne un peu parce que c'est bon, je l'ai frappé, il est plus intéressant. Du coup, je prends mon élan, je m'élance, je saute, et en fait, j'utilise mon bâton pour me projeter, et je saute sur le mec, sur le gars avec un bouclier le plus éloigné. Et en fait, je saute un peu comme ça, comme une planche, enfin, genre en mode planche, tu vois, tous les membres étendus. Et au dernier moment, je me replie sur moi-même pour faire une pirouette dans les airs. Puis je m'appuie sur son bouclier pour rebondir et je fonce vers l'adversaire le plus proche et je lui mets un coup de pied retourné en plein. Ok. Oh. J'approuve. Ouais, non mais j'approuve totalement. Très belle description du coup. Et bien sûr, on frappe le gars qu'en pleine forme parce qu'on frappe pas les blessés, c'est trop facile sinon. Tout à fait. Du coup, tu vas me faire, s'il te plaît, un jet. D'ailleurs, merci pour les followers, les gens qui nous rejoignent. Merci du coup pour le sujet que tu vas me faire avec du coup 2D malus, mais tu compenses avec ton arme, à moins que tu aies autre chose à proposer. Bah, j'ai mon arme plus mon identité. C'est ça. Donc tu compenses, donc tu n'as ni bonus ni malus, tu fais juste ton jet d'allure. Il faut quand même que j'aille mal fiche sous les yeux. Voilà, tu fais ton jet d'allure, donc 4D, vas-y, fais-moi rêvasser. Ok, 4D. Bon, ce coup-ci, on va faire une petite flamboyante, juste. Pas trop tenter de. Oh, ça, Bien maman. joué. Ah, Et pour une fois. Et. Et. Ok, alors celle-là, très jolie. Je note que tu gagnes déjà immédiatement un point d'éveil. Et 108 en plus, c'est encore plus beau. Ah non, mais C'est totalement. eu ça. Alors là, c'est un. Franchement, tu vois, on peut faire des sessions entières et des fois avoir son petit moment de gloire. Et Naruto Negala. du coup, Yamato, la question était oui. Du Ok. coup, bah, tu vas faire exactement ce que tu as décrit, sachant que tu as fait un jet à, tu m'as dit, légendaire? Non, flamboyant, Aucune, non, oui, donc flamboyant, pardon. légendaire, c'est un peu ouf. Flamboyante, ok, donc un taille de 5, ça fait 1, 2, 3, 3 de dégâts. Je t'accorde pour la beauté du geste, parce que j'ai beaucoup aimé ta description, un point de dégâts supplémentaire, ce qui va arriver au bout de notre adversaire. Tu vas du coup faire exactement ce que tu décris, et il va juste s'effondrer lui aussi sous ton poids, et tu vas pouvoir prendre la posture matrixienne que tu veux à l'issue de ce combat pour montrer à quel point tu es prêt à faire ça à tous les autres, et un ennemi en moins. Très bien. Donc fort heureusement qu'il y a des gens pour attraper les actions de ceux qui jettent leur bâton en haut ou Ouais, de tous d'ailleurs, les joueurs. quand mon bâton il s'envole en haut, je regarde la personne qui se trouve en face de moi et je fais Ça fait partie de ma Salut technique, t'inquiète Paris. pas. Mais attends, C'est exactement ce que je voulais faire. Tu notes quand même les points de légende que je gagne grâce aux dégâts que j'inflige, hein. C'est important ça aussi. Putain, tu fais bien de le rappeler à chaque fois, parce que j'oublie que Ouais, je c'est rappelle le ça. truc de cette attaque. Non mais tu as tout à fait raison. Du coup, eh mais putain, mais elle est pétée cette attaque, elle va te faire gagner des points de légende tous les 30 secondes, tu vas finir à 600 en 2 sessions. Ok? Prends la Ah toxicité. ben. J'avoue, là, il me rattrape, hein, facile. Ah ouais, non mais il est déjà arrivé à 30 là. Hein. Putain. Il... Du coup, le Xiangteng, c'est à toi. Qu'est-ce que tu Oui. fais? Donc là, on est d'accord, je viens de trancher le gars, du coup. Je Exactement. me suis fait marave le pied. Enfin, Exactement. il attaquait sur le genou, en gros, c'est ça, si j'ai bien compris. C'est ça. Mais le mec en fait qui t'a attaqué, c'est le mec que vient de défoncer Baoming. Donc le mec qui t'a défoncé le genou, il est plus là. Par contre, t'as l'autre qui s'est raté, si tu veux. Ou alors tu peux Ah, t'attendre n'importe qui. l'autre qui a eu peur? Ouais. Ok. Bah, je vais pas faire ce que j'avais prévu dans ma tête, du coup. Désolé. Et je vais en regarder. Il y en a encore qu'on. Est-ce qu'il y en a un qui a un bouclier qui a jamais été attaqué pour le moment? Oui, tout à fait. Il est en Ok. train de se battre contre le Xuang Manzaro. Ok, bah, je vais viser. Enfin, du coup, je vais le charger pour décrire mon attaque. Donc, là, mon arme, elle est encore plantée dans le mec, simplement. Je la ressors, je la laisse au sol. Je me propulse, genre je fais un mini-saut en gros, et je la rabats en bas vers le haut, histoire de le trancher par le bas tout simplement, à travers une charge. Ah oui, d'accord. Donc du coup, alors, très bonne description. Maintenant, je vais Et parler un peu j'utilise plus de frappe mec unique. pour moi. Et j'utilise frappe unique. Du coup, alors, chaque chose. Déjà, c'est quoi le coup que tu fais? Je fais du coup une charge, parce Ouais, c'est qu'il y a un charge, truc, c'est ça. Donc ça, j'ai c'est la charge, normal. donc autant utiliser la charge, Ouais, ce qui est logique. qui augmente Ce d'autant qui moins augmente que les le dégâts corps du de 3 pratiquant. points. Oh, putain, mais. Ok. J'utilise la frappe unique. Ouais, la frappe unique, tu peux me rappeler ce que c'est, s'il te plaît? Attends, La oui, c'est un frappe unique. Wugong, c'est ça. Ouais, Donc du coup, c'est faut un que tu. Wugong qui me donne 2 dés, en gros. Contre un point de dégâts. Je vois. T'es sûr? Je vois un dé. T'es en notion, il me semble. Oui, je suis en notion. Mais non, attends, je vais te dire. Frappe unique, j'ai notion. Si le pratiquant exécute une seule attaque, alors lors de sa passe, il bénéficie d'un bonus de plus 2 dés. D'accord, autant pour moi. Donc du coup, effectivement, c'est 2D. Par contre, du coup, tu vas utiliser un point de Negong. Ça, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Très bien. Et en plus de ça, tu vas... oui, c'est ça. Parfait. Du coup, bah, faire un jet. Sachant que la charge, tu l'as. Donc, pas désolé, pas de malus. C'est ça. Et du coup, bah c'est de la. Bon, putain, j'en ai marre de me perdre. C'est C'est du du corps, corps. c'est du corps. Ouais, c'est du corps avec Donc en corps, bonus j'ai. ton sabre. Donc, à moins que Je tu aies mieux. crois. Oui, non, bah la tortue peut Ouais, marcher. Donc là, tu peux aller à 5D. j'ai la gloire, ce qui me donne 5 et encore plus 2, donc ce qui me donne 7. Si je dis pas de conneries. Non, Oui. le plus 2, c'est. Ah oui, la frappe unique, c'est ça. Oui, Bah, le plus 2 de bah la du frappe coup, ouais. unique. Ouais, c'est ça. Bah, du coup, oui, ça fait 7D. Donc, 7 euros, ça fait beaucoup. amusez-vous. Oui, effectivement. Ah, on a complètement oublié. Ah ouais, non, d'accord. Non, Quoi, quoi, quoi? Non, non, rien, j'allais dire que avec Yamato, on avait complètement oublié le fait qu'on pouvait dégainer notre arme avec arme vivante et gagner 2 points d'initiative. Ah oui, c'est pas vrai. Faux. Mais du coup, c'est trop tard, voilà. maintenant. Tant pis. On l'a pas fait. Non, c'est vrai. Triste vie. Bon, est-ce que je tenterai pas un petit légendaire quand même? Ah, c'est le moment Fais de gaffe, voir. Hein, après, si tu vas finir comme moi. Ouais, mais c'est beau. Wuxia Non, ou pas c'est Wuxia? beau, si, franchement, si tu l'as réussi. Wuxia ou pas Wuxia? Il y a un 8. Il y a un 8, 8, ça fait je suis pas sûr que ça 29. passe de toute façon. Ça fait 29. Tu peux Mais. utiliser un point Ouais, je vais faire ça. de yin, hein, Bon. si je ne dis pas de Donc, bêtises. je vais changer le 8 en 3, ce qui me donne 24. Et je vais utiliser un point de. C'est quoi? C'est un point de quoi? C'est un point de pour baisser de yin, hein, c'est ça. Un point de yin, ok. Ouais. Qui me donne. Ça me... Attends, je reviens, tu lui pas déséquilibré quand même. Ou tu as arrivé à 3 en déséquilibre. C'est à Ouais, j'arrive partir à de 3. 8, c'est ça le déséquilibre? Ouais. Donc, moins 1 de yin. Ouais, pas Bah mal. parfait, voilà. Et du coup, bah par contre, du coup, on est d'accord, comme j'ai changé, j'ai pas de réussite parfaite. Si? Putain, moi Comme je considère que c'est... je suis à 24 piles, donc. Ouais, t'as... oui, non, mais oui, t'as fait Ouais, 24, bah moi je j'ai l'ai, ok, 24, parfait. donc ça fait une réussite parfaite, donc tu as quand même... Héroïque et le point de légende aussi, du coup. Voilà, quelques points de légende. Je te mets que la moitié parce que tu l'as eu en baissant, mais ça fait Oui, quand même des normal. points de Non, mais c'est légende. normal, je comprends. Mon action n'est pas si parfaite. C'est ça. Il y a eu, en fait, c'est pendant ton action, il y a eu un petit moment où t'as glissé, mais tu t'es quand même rattrapé, t'as fait un truc stylé derrière, donc ça passe. Mais Ça passe. Ça passe bien, même. Ça effectivement, reste héroïque. c'est ça. Mais il y a eu ce petit moment où t'es passé de quelqu'un de légendaire à juste héroïque, tu vois. Alors, Ouais, il y c'est a eu ça. ce petit glissement. Dans tous les cas, ça reste quand même pas mal hein, de faire héroïque parce que tu fais 1, 2, 3, 4. Oui, mais non, mais je suis con, t'as ton bonus qui rajoute 3 points de dégâts, donc ça sert à rien quand tu Oui, j'ai montes. 3 points de dégâts, donc je lui fais Donc le beaucoup, mec beaucoup. au... Oui, c'est ça, le mec au bouclier, il s'effondre encore une fois, tu le coupes par en bas, Est-ce que c'est je peux ça, frapper à c'est... travers le bouclier et l'effondrer quand même? Effectivement, et tu casses son bouclier en deux, tu vois, genre Trop comme bien. ça... Bah, en fait, c'est parfait, c'est-à-dire que je le remonte, je le coupe son bouclier en deux et je le coupe en deux au passage. Trop bien. Tu n'as pas le Exactement, droit c'est d'être ça. brutal comme ça, Yamato. Et c'est même pas mon coup violent. C'est même pas Shokan, mon. direct. Ok, magnifique. Je le découpe en deux. Heureusement qu'il y avait les derniers joueurs, parce que sinon je me serais très inquiété pour la suite du combat. Le meilleur pour la fin, Ouais. hein. Allez, on va passer au garde. Moi, je vais faire quelques petits tests rapidement. En gros, ils sont 1, 2, 3, 4, 5 encore debout. Eh ben, dis donc. Vous avez un peu du mal à leur venir à bout. Hein. C'était des ennemis assez faciles. Hein. C'est marrant. Ma session devait être beaucoup plus courte sur les combats, mais c'est pas grave. Bon, en même temps, il Oh. faut ce qu'il faut et puis il faut qu'on apprenne le Moi, je système. m'amuse bien. Ouais, mais j'espère que les spectateurs aussi, parce que moi aussi. Mais j'espère que c'est pour les spectateurs que c'est aussi intéressant. Du coup, alors, eux deux vont attaquer le plus dangereux, parce que c'est ce qui semble le plus logique à faire quand quelqu'un est dangereux. Donc, ils vont attaquer littéralement le mec qui découpe des mecs à chaque fois qu'il agit. Donc, eux deux, bah, celui qui est face à notre ami Jetsang, bah, il va juste du coup essayer de finir son truc. Vu que Jetsang est assez ridicule, Shang Manzhao et Bao aussi auront qu'une seule personne face à eux. Ok, on va commencer du coup par Bal des Ors, on va commencer par Xuang, comme ça on fait ça hein, plus ou moins dans l'ordre. Donc, On Xuang, termine t'as par une le meilleur. personne, tu as, il me semble, 12 de défense Vous pouvez passive. faire plusieurs 4, comme ça je récupère. Moi. Il est Bon, nul, ok. il est nul, Alors, il est nul. ouais, non, mais il y a un mec qui arrive en fait et qui littéralement te tend son sabre pour que tu le tues. Hein. Je vois pas d'autre interprétation à avoir. Allez, on va voir la suite. Il a une lance, c'est très important de le Non, préciser. c'est celui qui avait Ah, le dart et il lui rend son arme. un... Bon, ok, je Ah veux ouais, c'est ça, il voir. est honorable, il te rend ton arme pour être. C'est parce qu'il a lancé un seul dé au mieux de 3, mais tu sais quoi, je l'accorde. Allez, on va dire qu'il était vraiment nul celui-là. C'est un apprenti, tu vois, il vient d'arriver. Il sait Donc pas trop ce qu'il il fait. a fait quoi alors en fait? Il a essayé de m'attaquer, ça n'a pas fonctionné? Mais pour le coup, en fait, il est juste planté devant toi. Il a même pas, genre, vraiment utilisé Il son a action. Tu dégainé l'as. son arme à l'envers, hein. Ouais, c'est ça, tu vois. Genre, il est là et tu sens que même dans sa façon de tenir son c'est pas un sabre, c'est une lance, tu sens que lui, il sait pas trop ce qu'il fait là, tu vois, dans le combat. Du coup, tu peux lui faire face et à la prochaine action, tu pourras lui niquer sa. Non, faut être poli. Il faudra lui. Il faudra le couper en deux en commençant par le bas. Un Moi, finishing. j'aime bien couper en deux. Ok, du coup, la deuxième personne qui va se faire attaquer, c'est Baoming. Baoming qui a une défense passive aussi de 12, donc plutôt bien sécurisé. Hop. Total Attends. shaker. Hop. Oh! Oh mon dieu, ils auraient pu faire plus. Ah, c'est horrible. Quoi? Oh putain, il aurait pu te faire un dégât de plus, c'est horrible. Je sais pas si ça marche comme ça. Bon, allez, dans le doute. Putain, il aurait pu te faire plus de dégâts. Oh merde. Tristesse. Du coup, il arrive avec sa lance et va faire une frappe qui consiste à. Excusez-moi, j'ai perdu mon. Eh, j'ai perdu mes coups! Reviens, s'il te plaît. Qui consiste du coup. Eh, c'est quand tu veux, enfoiré. Eux, ils vont y aller à la force, il y a un petit style brutal. Qu'est-ce qui peut être intéressant de te faire? Ah ouais, putain, ça peut être fun, ça. Ok. Je suis désolé, mais bon, ils sont là pour ça. Du coup, bah, il va te faire un briseur d'os, donc le but est que l'attaque qu'il porte. Et je vous rappelle que vous avez le droit, si vous voulez, pendant vos tours, de ne pas agir pour avoir une défense active, hein, ça on est d'accord. Hein. Du coup, vous allez du coup, enfin vous allez pas du tout, il va arriver, et en fait avec sa lance, au mieux de t'attaquer avec la lame, en fait il va la passer sous ton bras, et puis d'un coup va tirer. Ce qui est leur lance est plutôt solide, hein, c'est pas du bois qui va se casser, donc du coup c'est pas le bois qui se casse, c'est ton bras. Du coup, bah, t'as le bras qui se casse. Oh, la grosse patate. Ah ouais, ça fait mal, hein. Donc du coup ton bras est disloqué, pas brisé, juste disloqué, tu vois, il faudra le remettre. Et il je peux pourra pas plus utiliser. Utiliser tant qu'il n'aura pas été soigné convenablement. Voilà. Tu ne peux rien utiliser parce que t'es en défense passive, désolé. Ce n'est plus ton tour. Du coup, ok, Du lui il gong ou agit. quoi, rien? Non, désolé, pas maintenant. Peut-être à ton tour, tu pourras aller voir, mais effectivement, là, pour l'instant, ton bras, il fait Aouh! Du coup, Janseng, toi, bah, y a quelqu'un qui te fait face. Tu viens de te ridiculiser deux fois devant lui. Bon, toi, il s'est ridiculisé aussi une fois. C'est un peu donnant-donnant, tu vois, dans le ridicule. Peut-être qu'il va se ridiculiser, hein, qui sait. Tu as une défense passive du coup de 12. Bah, du coup, il va tenter, comme d'hab, avec ses 3D. Hein, il n'y a pas de raison qu'il fasse moins. Hop, il tente une 12. Il est sécure. Ouais, il touche Non, cet c'est enfoiré. là-bas. Ok. Du coup, notre petit garde, lui qui s'était un peu ridiculisé juste avant, te voit encore plus ridicule et décide de faire une simple charge. Sachant que charge, si je me trompe pas, ne fait pas de choses extraordinaires. C'est les dégâts infligés qui vont augmenter autant que le corps, donc de 2D. Ok. Et qui va te faire chuter au sol. Donc en fait, il arrive et te charge, en fait, te charge vraiment au corps à corps, mais sans utiliser son arme. Tu tombes au sol et tu perds, du coup, 2 points de sang et 2 points de souffle. Comme moi. Ouh, par contre, je vois que ton souffle commence à être à 5. Je rappelle que si tu es à 0, tu tombes KO, hein. Oui, je sais. On ne parle pas comme ça. Attends, du coup, pardon, Shedron, mais j'ai perdu combien de points de sang moi déjà? J'ai oublié, désolé. Toi, je peux pas te dire, mais ce que je sais, c'est que tu as perdu du souffle. T'as dû perdre, je crois, quelques points, non? Deux, je crois, de souvenir, peut-être. En tout. Je crois depuis le début du combat, t'avais dû Il perdre faut deux les points de sang. noter. Oui, il Il faut les faut les noter. noter. Plus l'attaque réussie. En tout cas. C'est la première attaque que je prends, celle-là. Ah d'accord, Ah, bah ok. du coup t'as juste perdu du coup en fait un seul point de sang. Et un point D'accord, ok. de souffle. Excuse-moi, c'est vrai que j'ai oublié de te le dire. J'ai bien de TV. Et de souffle aussi, ou juste de sang? Ouais, non, c'est les deux en Non. fait. Il faut les attaques en fait qui infligent des dégâts de sang infligent aussi des dégâts de souffle. Ça inflige les deux. Oui. Du coup il te reste 6 souffles. Hein. Hey. Du coup. Où est-ce qu'on en était? On en était à Jadseng vient de tomber au sol. Je me suis pas encore fait frapper, moi, si tu Ah voilà, c'était toi. Et oui, toi t'as eu deux veux. cartes du coup sur Un la peu, gueule. non? Il a deux pylônes qui lui courent après là. C'est ça, là il va y avoir deux petits enfoirés qui vont essayer de te Mais ils vont voir. avoir peur à un moment, genre ils se font tous décoper. Ah, Ils découpent des découpé. boucliers Oh là. directement. Non mais c'est incroyable, putain, ces mecs ils font des. Il faudrait que je tente des trucs au-dessus d'audacieux des fois. De toute façon, moi, il faut faire au-dessus du vide, donc bon, c'est pas compliqué. Ouais, là, en soi, Ah, c'est bah du coup, t'as fait un réussi. C'est échec en juste qu'ils tentant prennent le ils prennent du point de souffle, c'est tout. Ils réussissent, de toute façon. Ouais, mais bon, après, ils ont pas beaucoup de souffle, donc en vrai, c'est hyper mauvais pour le deuxième, et pour le premier, ok. Par contre, tu as... Ouf, Ouais, tu as ils ont vendu un peu réussi. cher, là. Parce que les deux, en fait, se mettent ensemble et commencent, en fait, à t'enchaîner de coups. J'espère bien. En fait, tu vois, ça fait 1, 2, 1, 2, J'espère 1, 2. Enfin, du coup, en fait, l'esquive devient totalement impossible, parce que dès que tu esquives un coup, t'as le deuxième qui arrive dans la gueule. Ils ont une super coordination, tu supposes, ça fait quand même un moment qu'ils se travaillent. T'as du coup le deuxième, celui qui est à ta droite, qui te fonce dessus en fait pour t'immobiliser. Et c'est plus ou moins ce qu'il arrive à faire. Sauf que voilà, tu sens qu'il Il est s'épuise pas. totalement. Si, justement, Il il est se crève totalement épuisé. à me frapper alors Genre, que moi j'ai pas grand-chose au final. Exactement. Bon, alors, pas grand-chose quand même, tu vas te prendre. Alors, du coup, ça. Puisque t'es en Un routinier. petit 6? Un petit 6? Ça fait du coup. Attends, laisse-moi calculer. Ça fait 2 plus 2, ça fait 4 points de dégâts. Plus. Avec l'armure? Ah bah attends, justement, mais laisse-moi calculer. Oui, non, mais du coup, ça fait 4 points de dégâts, puisque du coup, leur bonus est retiré par ton armure. Donc, tu prends 4 points de souffle et 4 points de sang. Ce qui. Attends, mes points de souffle, peut-être que je les compte. Parce que j'en ai plus beaucoup. J'en Tu ai es à 12. 6, hein. Mais tes Oh, je amis suis à 10. aussi, Oh, c'est donc tranquille. tes amis aussi, finalement. Ouais, on commence à J'étais être un un peu peu nerf sur le bien. combat. Mais moi, je suis super. Hein. Je fais des jets de Ouais, merde, mais je suis super bien en c'est vrai. mais je suis Parce fait rien au combat. Moi, je découpe que des les mecs gens. qui t'attaquent sont très nuls aussi. Moi, je fais des Mais enfin, pirouettes. du coup, le mec qui t'a chopé est totalement épuisé. Tu sens, genre, à la façon dont il est en train de t'immobiliser. Donc, il est vraiment. Genre, t'as la lance en fait qui est devant toi. Et il essaie de vraiment t'empêcher de bouger. Sauf que tu sens que, genre, tu vas pouvoir t'en dégager très rapidement. Il est à bout de souffle, vraiment. Ça l'a épuisé Ah, mais je de peux pas faire constamment être d'attaque sur les contre deux, donc c'est compliqué. toi. Bah, il y a l'attaque tournoyante. Ah, Hein, c'est vrai que je peux tenter l'attaque tournoyante. Et oui. En Mais effet. ça tombe bien parce que c'est l'heure du nouveau tour. Et si personne n'utilise des points de Neigong pour monter leur initiative ou un Wugong qui le ferait, bah du coup, c'est Xuan Gongtao qui commence. On est d'accord que personne ne fait rien, c'est Xuan. Ok, c'est Xuan qui commence. Alors Xuan, tu es toujours dominant. Qu'est-ce que tu fais? Une attaque éclair peut-être ou un truc du genre. Une attaque Ben, tournoyante, attaque pardon. éclair, en sachant que en plus le gars, Ouais. d'après ce que je sais, il est juste en face de moi, il s'est figé, comme tétanisé peut-être parce qu'il vient de réaliser en fait que il joue sa vie, hein, quelque part, il peut mourir. Du coup, il est face à moi. On a combien de distance à peu près? Bon, 1 mètre, Oui, 2 mètres. 1 mètre, 2 mètres, tu vois, genre il est quand même à portée courte, quoi, hein, tu peux le toucher. Et bah du coup, ce que je vais faire, il a mon dard volant dans la main, c'est ça? Non, c'est pas lui qui avait ton dard volant. Ah, c'est un autre! Ouais. Ah oui, mais d'ailleurs, le mec qui a chopé ton dard volant, c'est un des. Bah oui, si je me trompe pas. Putain, j'ai oublié d'utiliser ça, je suis con. Bon, bah tant pis, hein, c'est de ma faute. Putain, ils auraient pu avoir un dé supplémentaire, je suis super triste. Ah, tristesse, le gars il est parti à l'autre bout là-bas. Moi je Ouais, sais non, plus mais où bah, du coup, j'ai considéré que c'est un des mecs qui est mort, comme ça, au moins, on va. Il a c'est attrapé justifié. ton dard volant, il est Mais parti du en coup, courant. ton dard volant est au sol. Hein. Poursuis-le, poursuis-le, poursuis-le. Bah, rattrapez-les, le temps d'un. Il est loin de moi ou pas? Ouais, en fait, il est plus du niveau des autres combattants. Ben, alors ce que je vais faire, Putain, Wuxia, tu l'es pas. T'es je une grosse roulade. vais. Je vais en profiter pour tout simplement crever les yeux du gars qui est juste devant moi. Allez, vas-y. Fourchette! Pas de soucis. En mode Ça va être cric! du coup du corps. Je me demande si c'est pas. Il n'y a pas une technique qui Mais commence pour après, ça. je pense que c'est un style sournois. Que c'est vraiment en Oui, mode d'ailleurs, je suis con. Oui, aveuglement. non, mais je suis bête. Il y a un truc largement pour compter ça. Ah, bah voilà, Kuba. Donc, c'est ça. Donc, tu auras 2 dés malus, par Bah. contre. Est-ce que tu as quelque chose pour compenser ces malus? Dis-moi. Eh bien, je vais utiliser ma rumeur comme quoi mes coups sont ultra rapides. Attends, c'est Ça me quoi? va. Non, mais ça me va. T'inquiète pas, je vois de quoi tu parles. On avance un La peu, comme ça, vitesse t'es de mieux à mes coups maîtriser. est plus rapide Tout à que la fait. foudre. Et donc, je vais attaquer directement ça. Donc ça fait, j'ai 4 en esprit, donc 5 avec ma rumeur, qui va Mais faire moins 2. 3. Et tes identités... Attends, tes identités, je vais les mettre sous mes yeux, ça sera plus pratique. Ouais, Bah, non, ça ça rentre peut le pas vraiment. faire, non? Ça marche pas? Non. Bah. Non, non, non, non, c'est quand même un peu plus prestigieux que ça, donc non. Si tu m'aurais dit que t'étais un enfant des rues, j'aurais dit ouais, ça c'est rigolo, ou un mendiant, tu vois, un truc du genre, mais là non. Bon, Bon, après, t'as putain. quand même 3D. Quelle difficulté? Mais là, déjà, je vais aller dans. Je suis désolé encore, hein, je vais essayer de réussir un jet. Hein, donc, on va rester dans l'impressionnante. Parce que je vais quand même Très bien. réussir un jet à un moment Oh. donné. Alors, Oh. je vais te faire une Nul. éditeur automatique. Par contre, tu es le premier joueur de cette campagne à perdre des points de légende par des mauvais jets. Voilà, ça fait 3 jets, je suis désolé, ça fait 3 jets d'affilée. Bouh, Ouais. bouh, Et bouh. donc, bouh! Tu Bah, perds le 2. premier, tu me l'as Il n'y a donné, j'ai aucun pas. exprès Bouchia. Exactement, Je tu suis perds désolé, je suis 2 très points de pragmatique. légende, tu passes de 23 à 21. J'en perds Mais, deux. et oui, t'en perds 2. Du coup, tu vas quand même, bah, juste planter en fait tes doigts au plus profond de ces globes oculaires dans une scène beaucoup trop gore où genre plein de sang va se mettre à gicler et toi tu vas juste là tout content de toi vu que bah en fait le mec qui était face à toi c'est un des mecs qui avait été blessé par Baoming ce qui explique peut-être aussi pourquoi il était totalement perdu dans son esprit donc du coup va juste s'effondrer, sa tête va tomber. Et toi, tu vas rester là, t'es avec les deux yeux bien, bien ancrés sur tes doigts. Et bien sûr, j'ai des ongles, hein, vous ne les voyez pas, mais ils sont là. Clac! Et du coup, bah voilà, t'as deux bons gros globes oculaires avec le petit filament qui dépasse, là, tu vois, genre de truc très agréable à Oh. regarder. Et lui s'effondre au sol dans une scène Découper des gens, c'est plus très propre. réussie. Hein. J'avoue, non mais quand même, tu pourrais au moins les découper. Un peu de respect quand même. Et je fais ça après. Alors, tu es dégueulasse, mais tu fais un masque, Très donc je très mal considère vu. que tu ne le fais pas Ça parce que tu serait ne peux très pas. mal vu. Il est chez Alors, toi. Est-ce qu'il y a des éclaboussures de sang sur genre son masque et tout? Sur le. ah bah de ouf, hein. Alors là ça fait C'est bien. Damn! Du coup, maintenant, histoire qu'on accède un peu le combat, Xiang Teng, Bao, Jianseng, qui agit en premier? Dites-moi tout. Enfin, en premier, vous comprenez. Tu veux Moi c'est recommencer ou bon, pas? je. Non, non, c'est bon. Bon, moi je vais aller, c'est bon là. Allez, vas-y, Vas-y, allez. dis-moi. Du coup, je vais foncer vers le mec qui vient de me casser de me disloquer le bras. Je sais pas trop ce qu'il a fait avec son bâton, qu'il m'a fait un truc bizarre au bras. Ouais. Sauf que je vais le faire en faisant. Parce qu'il faut bien sûr que ce soit toujours stylé. Ah oui, toujours avec ma frappe stylisée. Mais il a spam. C'est ça, c'est un spam, hein. Hein. Honnêtement, l'attaque que je peux faire, c'est un peu la seule qui est vraiment intéressante. Mais t'as pas moins de dés dessus, du coup? Si, si, si, il a moins de dés, hein. Si, il a moins Mais de j'ai dés, hein. zéro attaque en fait, donc sur toutes les attaques, j'ai. Dans tous les cas, t'as moins de dés, Et c'est un des seuls trucs où je peux quand même lancer des dés avec le Moelle. Du coup, j'ai foncé sur lui en faisant. Et sauf qu'au moment où j'arrive devant lui, à la fin de la rondade, je vais sauter par-dessus lui et en même temps, je vais attraper un pan de vêtement pour déchirer. Avec ce pan de vêtement, je vais l'étrangler en même temps. Et bah, pendant que je suis dans les airs, après l'avoir étranglé, je vais essayer de me faire vite fait un petit bandage, un petit truc pour essayer de tenir mon. Avant d'atterrir. alors, j'espère que tu ça vas va être faire un compliqué. joli jet, ça. Mais Si je fais un grand saut, ça peut marcher, non? sur le papier, rien ne t'y en empêche. Dans la théorie. Dans la théorie, tu vas faire un Moi, je style suis la démonstration flamboyant. que la théorie, c'est pas la pratique. du coup, c'est. Oui, frappe stylisée. Donc, tu vas me faire un jet avec 2D malus, mais tu compenses avec tes bonus, donc tu fais juste un jet sans bonus ni malus. Vas-y. Bon, on va rester sur le flamboyant. Hein. Ah, c'est tout? Moi, en vrai, pour cette difficulté-là, je trouve ça pas très impressionnant. Ouais, mais j'ai 4D, c'est chaud de tenter un. Ah, tu me tentes là, tu me tentes, hein. C'est le but. Ah, ouais, mais attends, l'héroïque à 24, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, mais ça serait déjà un peu plus au rang de ton action, parce que là je considère que ça va pas être très stylisé que ça, hein, ça va pas être aussi beau. Pour faire tout ça juste en flamboyant, ça va pas être si impressionnant. Bon, vas-y, pour te faire plaisir, Hein. on va la faire en héroïque. Ah, t'as 2-8, hein. T'as 2-3 Plus et 2-8. 12. Est-ce que ça compense? Attends, plus 16. Oh, ça passe! Non. Oh la chatte. Attends, 16 et 6, ça fait 22, je crois. Ah non, ah non, attends. Non, 16 et Non. 6. 16 et 6, Ah ça non. fait 22. Ça fait 22. 22, 22, ouais. J'aurais pas Dommage! dû écouter le MJ. Il te Non, mais c'est manque bon, 2 points, il te manque 2 points. Je claque un point de diamant, je claque un point de diamant, c'est pas. Ah, et du Ah, coup, là, tu peux encore. faire Tu relances un réussite dé. parfaite. Voilà, je relance un dé, je fais une Ah! petite réussite parfaite. Fais-nous Ah, en ah 2. oui, tu. Non. Et non. Mais au moins tu réussis. C'est Au déjà pas moins, mal. ouais. Ah, mais même parfaite, c'est des 8. Alors attendez. Ah, ouais. T'as dépensé un point de diamant, du coup? Ouais. Mais du coup, tu dois dépenser les. Tu dois utiliser les 8 avant de faire le point Niang ou tu peux les utiliser après? Comment ça? Avant normalement. Oui, avant, avant. Ah, avant. Oui, c'est avant. Donc logiquement, t'as min max. Si on Oui. est logique. Oui. C'est vrai que là, du coup, je suis un peu. Hop. Et donc, du coup, le résultat, parce que du coup, j'ai pas été le voir. On en est où? 5. Ouais, 22 et 5. 22 et 5, ça fait 25. Donc, du coup. 22 et 5. Oula, 5. non, pas du tout. Ça fait 27. 27, t'as perdu 3 points de souffle. Ouais, c'est ça. T'as perdu 3 points de souffle. Ouh là là, mais dis donc, monsieur. Je peux utiliser mes dégonks pour récupérer des points de souffle, s'il vous plaît, monsieur. Pas Mais maintenant. tu viens de faire une action, Pas hein. en combat. Ah. Il va fuir le combat. C'est ça. Je vais crever. On Bah, tu espère bien. m'étonnes. C'est le but, putain, de cette On session. sera débarrassé, ouais. Franchement, moi, ça va. Du coup, par contre, tu as fait un test bah, quand même héroïque. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Attends, quoi? 1, 2, 3, 4. Oui, 4. Bon, ça te fait quand même gagner 4 points de légende sans compter les trucs supplémentaires. Donc, Ah, ça va. sois content. Et attends, attends, il n'y a pas un bonus encore supplémentaire quand tous les 3 jets héroïques réussis? Et ça je l'ai déjà appliqué, t'inquiète pas. Ça, je suis en train de les compter, les points de légende. C'est pour la même raison Ok. que Shion Mandiao a perdu 2 points, hein? Non mais, je vous jure ces joueurs là. Du coup, tu fais exactement ce que tu avais prévu. Et du coup, tu vas pouvoir avoir le bout de tissu pour voir pour te soigner. Tu pourras pas te soigner du coup à ce tour-là. Il faudra attendre quand même le prochain parce que bah, c'est une action par une action quand même. Même si vous faites beaucoup de choses en même temps, ça reste une action par une action. Du coup, Baoming agit, Xiong Tang, Jatseng. Dites-moi Tu tout. choisis. Moi, je veux bien. Et Je veux bien. moi, je tu n'as veux pas dit bien combien de réagir en points de dégâts je dernier. lui faisais, monsieur le MJ. Putain, oui, non, mais non, mais tu le tues en fait. C'est Oui, de toute pour façon, ça en fait. tu t'en débarrasses. Ouais, dans ma Ah, tête, en fait, c'était un mode. Oui, c'est bon, il est mort, passons à autre chose. Mais effectivement, tu t'en débarrasses. Hein. Il est mort, tu l'as étranglé, le mec est devenu bleu, t'es content de toi. Xiong Tang, du coup, si j'ai bien compris. yep, c'est ça. Mais que fais-tu? Dis-moi tout. Et bah, je regarde vite fait mes techniques. J'hésite à refaire un coup violent juste parce que c'est marrant. Ouais, mais si t'étais. En vrai, si tu voulais être plus efficace, tu ferais une attaque. Ouais, et t'as tourné un, tu Juste. sers quoi? Il en Sur reste? l'allure. Oh non, mais non, non, non, faut pas que je fasse une allure. Non, non, Il en reste combien Attends, en fait? quoique, attends, peut-être que ça se tente l'allure. Je dis peut-être de la merde. Il en reste Si, 4. l'attaque tournoyante, je peux bien le faire avec mon Je te arme. remercie. D'accord. Oui. Bah bien sûr. Ok, Bah ça bon se fait bah à je vais chaque faire fois l'attaque normalement. tournoyante. Tu peux Ouais. me le faire avec tes cheveux, je pense. Taoucha. Ah, j'avoue. Du coup, alors attends, je retourne sur ta fiche. Attends, Tu. non, est-ce que ça me fait que 2 dés? Non, ça te fait un dé. Attends. Non, Non, deux parce dés, que deux j'ai dés. plus 2, moins 2. Ouais, ça te fait deux dés. Plus 2. Donc j'ai 2 dés. Non, non, non, je le fais pas. Bah, tu peux faire un jet faible comme le fait Sherman Zhao. Bouh! Non, mais je suis pas comme ça, monsieur. Pour faire peu de dégâts, mais au moins le strict minimum. Ouais, Oh non, non, je sais ce que je vais venons faire. aider Wuxia, nous. Pas de défaite. Dis-moi Je tout. prépare à bloquer. Et je vais faire en sorte qu'il crève d'épuisement sur moi. Ok, donc ce tour-là, du coup, tu n'utilises pas Ils ton sont attaque. deux. Ok, bah Et je parfait. prépare un blocage. Oui, tout à fait, qui est effectivement une défense. Bah du coup, Janseng, toi, que fais-tu maintenant que non seulement tu t'es ridiculisé, mais le mec en face a arrêté, lui, de se ridiculiser. Et il m'a frappé, il m'a mis au sol. Exactement. Mon bâton est toujours en l'air. Oui, tu peux faire un truc stylé. Oui. J'ai vraiment dans l'intention de faire un truc stylé, mais peut-être que les dés ne sont pas avec moi. Y a attention, il y a les dés. J'aimerais faire ce qu'on a... J'aimerais faire ce qu'on appelle une frappe stylisée. Bien sûr, du coup, ça... avec un joueur, je commence à connaître cette frappe. C'est comme les coups violents avec moi. Attends, quoi que... Attends, peut-être que je peux faire des trucs plus rigolos. Je vous laisse regarder. Ouais, t'as les gestuels humiliantes, sinon, qui est pas mal. Comme ça, ça te permet de récupérer un peu l'honneur que t'as perdu en ratant. Ah ouais, non, vas-y, gestuelle humiliante. Alors, de toute façon, je l'ai déjà. Je l'ai déjà. Vas-y, gestuelle humiliante. Ouais, c'est dans quoi, s'il te plaît? C'est en allure. Flamboyant. Ah oui, d'accord, oui, c'est en allure. Gestuelle humiliante. ça m'étonne pas que tu l'aies. Mais non, mais c'est parce que c'est en rapport avec son école. Attends, quand tu connais son école d'art martial, le background qu'il y a autour, c'est logique qu'il connaît ça. Ok. Toujours la faute. Alors, par contre, tu sais que si tu le fais, les dégâts sont impliqués au point de légende. Ah, uniquement? Oui. Oh, en vrai, ça ne dérange pas. Si, ça, si jamais j'obtiens ce que je veux, ça peut marcher. Je peux le... Est-ce que par exemple, si jamais je lui inflige suffisamment de dégâts de points de légende, il peut s'enfuir? J'aime beaucoup cette idée, donc oui. Allez, vas-y. Ça me va. Allez. Et du coup, je vais utiliser la technique secrète de mon école. Enfin, de mon... Mystère. Je vais utiliser les inscriptions sur mon dos qui rendent mon coup plus rapide que l'éclair. Ok, donc ça, c'est... Est-ce que du coup, l'héritier des secrets entre en jeu? Parce qu'en plus, je vais faire un petit truc. Alors, du coup, ça te donne déjà 2 dés, je crois, non Oui, c'est ça, 2, parce que c'est une gloire. Oui, mais attends, c'est quoi que tu fais? Oui, non, c'est une allure, monsieur, c'est pas la même chose. Ah ouais, non. Et oui, à chaque fois, hein, vous faites avoir, monsieur. Mais attends, mais son truc, c'est pas son kung fu qui est... Si, c'est ça, c'est pour ça que ça marche pas là, parce que c'est de l'allure, là. Mais c'est pas grave, parce que... Bon, t'as déjà 2 dés... C'est une technique de Kung Fu quand même, non? Sachant que tu n'as pas de malus, donc t'es déjà... Enfin, de base, t'as 3 dés, tu peux regarder... Fils de la rue, je te l'accorde, parce que, vu que ton école vient de là, ça te donne déjà un dé supplémentaire, donc ça fait 4. Bon, après, tu n'utilises pas de technique particulière, donc... quoique, est-ce que tu utilises une technique, genre... Parce que typiquement... Je sais pas ce que tu fais, mais par exemple, chasser les museaux de l'écueil, c'est le genre de truc qui rentre là-dedans. Ouais, fuck off. Je fais le chasser les museaux de l'écuelle et je l'utilise en Kung Fu. Ok. Ah oui, donc là, on rechange tout. Donc, on passe à 1 dé, sachant que si tu utilises le Kung Fu, ça peut rentrer. Donc, ça fait tu as 3 dés supplémentaires, plus ça, ça fait 4 dés. Par contre, tu utilises 2 points de souffle pour le faire. Il te reste combien de points de souffle, toi? Pas beaucoup. Il me reste 5, je suis à 3 là. Il va te passer à 3. Si j'utilise ça. Ouais, donc tu passes à 3 points de souffle. Donc, tu te rends te tuer littéralement, enfin, en tout cas, en termes de souffle. Par contre, en termes de bonus, là, tu as du coup 1 dé, plus 2, ça fait 3, plus 1, ça fait 4 dés supplémentaires. Sur du Kung Fu, donc ça te fait 7 dés. 7 dés. Hey. Et l'héritier, du coup, on est... donc j'ai mon trait 7. De la rue. Ouais, identité, trait et technique. Est-ce que l'héritier des secrets, du coup, n'entre pas en compte? On n'utilise qu'un seul. Ouais, c'est qu'un seul, pareil. Ça ne se. Bah écoute, moi je préfère prendre l'identité de l'héritier des secrets dans ce cas-là. C'est la même chose. Ouais, je sais, mais voilà. Non, mais oui, donc oui, là, oui. Là, si nous ne fais pas un immortel, je... 7D, bah 7D, je l'ai foiré en légendaire la dernière fois, mais. Allez. Bouddha, sois loué. Ça, c'est parce immortel. Que t'arrêtes pas en vrai de dire Bouddha, sois loué. Et du coup, Bouddha t'écoute vraiment, et du coup, il fait mais arrête de m'invoquer pour rien, c'est du blasphème. Bam, mauvais. Non, mais en vrai, à chaque fois que je dis Bouddha, sois loué, je rate mon jet. Eh, comme quoi. Alors vas-y, fais-moi ce jet, histoire qu'on sache si c'est automatique. Par pitié. C'est pas juste. C'est pas juste. Ah non, mais en vrai, arrête de blasphémer. Hein. Dis autre chose que Bouddha. Dis vive la non, sainte. Mais je suis moine. Ah, attends, non, j'ai un 8. Ouais, mais non, mais ça, c'est parce que tu fais des légendaires avec 7D. Mais j'ai des 1 et des 4, c'est nul. Si tu ferais des immortels avec 7 dés, bien sûr que t'aurais des 8. Non, il se passerait rien. Non, bon, bah, du coup, non, bah, je perds mes 3 points de souffle comme une grosse merde et il ne se passe rien. Exactement. On adore. Avant... Et je reste. En fait, je vais me mettre en PLS et puis voilà. Ouais, sachant que vous commencez à être fatigué. Oui. J'ai oublié le Neigong. Je voulais activer corps de fer, mais est-ce qu'il faut que je le fasse quand tu me l'as dit tout à l'heure ou je peux le faire juste avant qu'on me frappe? Bah, corps de fer, en fait, quand tu actives ça, c'est au moment d'une action. Donc, en fait, ça va être au moment où toi, tu vas vouloir agir. Quand je vais utiliser blocage, je vais. Ouais, je pense que tu Ok. peux Ah, le mais non, mais une faire, technique vu d'école, que c'est moins 2, pas moins tu. 3. Technique Oui. d'école, c'est moins 2. Oui, je suis d'accord. C'est pas ce qu'on disait. Non, on avait dit moins 3, je sais pas quoi. Bah, J'ai tu cru étais à... entendre tu moins étais... 2. tu étais à 5. Moi, j'ai entendu moins 3. Donc, je suis à 3 points de souffle. Oui, mais c'est ce que j'avais noté, que tu étais à 3 points de souffle, de toute Ok. façon. D'accord. Donc, j'ai dit Bah. 3, mais j'ai noté ce qu'il fallait. C'est sûrement parce qu'il te restait 3 points de souffle, du coup, en lisant 3, j'ai dû dire 3. Truc à la con. Ok. Mais moi, dans mes notes, tu es au bon endroit, du coup. Du coup, voilà, tu pourras l'utiliser au moment où toi on t'attaque. Sachant que, du Attendez, j'ai envie coup. de vérifier quelque chose. Je vérifie quelque chose. Est-ce que le c'est vraiment moi qui suis maudit ou putain. Eh mais vraiment, arrête de blasphémer, hein, ça ira plus vite, hein, je te jure, ça ira Ouais, mieux. d'accord. Dis-toi qu'en fait tu fais partie d'une sous-religion et t'as un autre dieu, et comme ça tu vois, ça, ça Bah, rééquilibre. on Ça n'invoque pas le Bouddha pendant les combats. Exactement, mais en plus Bouddha quoi. Ça suffisait pas quand même, hein. C'est parce que Bah, au Bouddha pire, doit je être vais contre la envoyer le. violence, donc quand tu l'invoques au Ouais, moins. mais échouer à Non, mais moi, je veux 3, pas tuer. Moi, je tue pas. Moi, je suis un mec sympa. Mais oui, il il veut est pas juste comme nous, humilier le les gens salin. là, c'est bon. Bon, alors, allons-y, on Alors, tu mets des continue. coups humiliants, tu On dis y ta va. mec sympa. On y va, on y va, on y va. Alors, oui, non, mais. Blablabla. Faut que j'arrête de faire ce genre de truc. Alors, c'est le moment de faire intervenir un joker. Que du coup, le combat se continue plus ou moins héroïquement pour certains que pour d'autres. Et pour une fois, Baoming fait partie de ceux qui y arrivent, hein, on peut le dire. Ok, Baoming fait partie de ceux où ça se passe bien. Il y en a un qui est toujours là dans les combats, je tiens Ouais, à le dire. effectivement, je le sais. Bah, par contre, ouais, Zhang Teng, c'est le mec qui était blessé, il était évanoui il y a 10 minutes, il décapite des gens. Genre, dans quelques années, tu seras bouché, toi, tu vois, genre à l'abattoir, tout le temps. On est Il n'y aura pas de où? problème. Où Xiao? Non, Mais. Dans pas longtemps, il serait Dans pas longtemps, il va rejoindre la résistance et il va aller combattre les djinns. où Xiao? Exact. En Sur vrai, le champ de bataille. tu serais efficace. Dans tous les cas, alors que du coup ce combat se poursuit, hein, que vous avez quand même venu à bout de plus de la moitié des gardes qui vous font face, rentre dans la salle personne d'autre que le lieutenant avec lequel vous avez rapidement discuté, si on peut appeler ça une discussion, lors de votre incarcération. Celui qui Attends, nous attends, a attends, attends. éclaté, on est d'accord? Il Ouais. m'attaque pas du coup les autres? Ouais, là c'est une cinématique. Cinématique. Cinématique. C'est l'heure de la cinématique. Il rentre. Alors, pour le décrire aux deux joueurs qui n'étaient pas là, c'est un personnage. J'ai perdu mes notes. Tu le fais venir quand on est tout seul? Parce Non, moi que je vais j'ai très hâte de bien. vous voir souffrir. C'est un personnage, du coup, qui a une énorme crinière en termes de cheveux. Surtout, en fait, ce qui se note, la première chose, c'est la moitié de son visage qui est brûlée. Double face. Non, pas comme ça. Mon Dieu, je vous en prie. Ouais, physiquement, c'est plutôt ça. C'est quelqu'un d'assez imposant, aux grands cheveux et aux moitiés du visage brûlé, qui du coup rentre dans cette espèce de truc abandonné, et d'un claquement de doigts, en fait, fait arrêter tout le combat. Je veux dire, les gardes, d'un seul coup, s'arrêtent comme si ils venaient de recevoir un ordre suprême, et il vous fait face. Oui? Est-ce qu'il y a des Vous? fenêtres dans la salle? Alors oui, mais attends avant de sauter. Non, Attends. mais je regarde s'il y a des fenêtres autour de moi, Mais au il y cas en où. a effectivement. D'ailleurs, elles sont genre, tu sais, la plupart sont à moitié en train d'être, comment on appelle ça, vous savez, clôturées quoi, fermées. Aidez-moi à trouver le bon mot. Ah, Vous le savez grillage, sûrement. Condamné. grillagé, ouais. Ouais, Condamné, condamné. Ah là là, mais voilà, merci, ok. Libor. Et putain, qu'est-ce que je ferais sans toi. Donc effectivement, Moi. condamné. Mais elles ne sont pas toutes, en fait, c'est vraiment en train. C'est pour ça que ce qui, du coup, donne vraiment cet aspect de lieu abandonné, mais pas trop, tu vois, genre parce que justement, c'est en train de l'être. Dans tous les cas, oui. Au moment où le général il entre dans la salle, il y a juste le soldat qui est en face de moi qui pointe sa lance. Moi je suis contre le puits, il a la lance ici. On se laisse pas tomber non plus. Attendez. De toute façon, dans tous les cas, quand il claque des doigts, oui, il va quand il arrive, il se remet en posture garde et tout. Je me relève en titubant. Pas de soucis. Très joli ce genre de cinématique, j'aime bien. N'hésitez pas, d'ailleurs, on donne ce genre de petits détails pour vous. Je m'appuie sur. Bah, moi j'étais prêt à bloquer et puis en fait ils ont arrêté. C'est ça. De ton mode, allez viens. Mais non. Putain, vas-y. Bah moi, du coup, je veux bien profiter pour faire mon bandage tranquillement, puis lui faire un petit coucou de la main. Bon, ça rend du coup te border. Je te fais pas de jet pour ça. Tu sais faire un bandage classique, même s'il te faudra un peu plus en vrai pour soigner ton bras. Mais au moins, c'est déjà ça te prie. Bah concrètement, je le fixe dans les yeux. Concrètement, j'ai un comment ça s'appelle ça déjà? Un trait légendaire qui dit que mes connaissances défient celles des dieux. Donc celles de l'anatomie, du corps humain aussi. Donc je non, peux me soigner tranquillement. Mais pour le coup, je te dis, il n'y a pas de jet. C'est juste que même pour quelqu'un qui s'y connaît très bien, il te faudra quand même un vrai médecin qui t'aide à faire ça sur du long terme. Mais effectivement, là, en solution court terme, tu fais largement ce qu'il faut. Dans tous et les avec, cas, avec Xiang Deng, on est en train de regarder le général avec un regard, mais bien, bien noir. C'est ça. D'ailleurs, niveau corpulence, il est genre comme moi. Mais même pas en fait, il est assez imposant, mais il est maintenant que vous l'avez à côté, il est quand même un peu moins impressionnant que Xiong Teng. Hein. Ok, Xiong Teng de souvenir, et tu me diras si je me trompe, c'est quand même une grosse montagne. Hein. C'est, oui, c'est ça, c'est 1m90, full muscle. c'est un catcher, voilà. Exact. C'est, bon, 1m90, petit joueur. Oui, bah, remember, il nous a pris à 1 contre. Et il nous bien a sûr. Éclaté. Bien sûr. Mais la KE, on ne fait pas tout. On est en Chine, donc forcément. Dans tous les cas, il rentre, il claque des doigts, tout ça, ça fait 20 fois que je le dis. Et tout simplement, ordonne à ses soldats de quitter la pièce. Et il quitte. du coup, il vous fait face. Ouais, vous avez dans l'intention de vous exécuter par vous-même. Les phrases suivantes. Non, non, non. Je vous l'ai dit, hein, honnêtement, j'étais contre votre incarcération, mais c'est ce qu'il fallait. J'ai appris que vous êtes évadé de manière plutôt intelligente. Plutôt intelligente, c'est vous qui êtes incapable de combler un mur. Oh, vous savez, ne mettez pas la faute sur nous. Nous ne sommes ici que depuis quelques heures, hein, on va dire depuis hier. Hein. Et c'est pire que ça, il y avait un monsieur avec les clés dans la cellule avec nous. Chut, le dites pas. Mais pour être honnête, quand bien m'en fasse, sortez. Vivez de toute façon dans cette ville, vous ne pourrez pas forcément aller plus loin que ça. Après tout, si vous êtes des ennemis de si haute posture, je saurai vous garder à l'œil. Pas lui qui sa race là maintenant tout de suite immédiatement. Oh bah vas-y. Non, il nous prend 1 contre 5. Je reste déçu. Bon, je me rapproche de mon dard, je le récupère. Je l'enroule. Non, mais il commence pas à taper, hein, moi je suis blessé. Non, je l'enroule et je sors. Bah, genre, il se décale en fait, du coup, laissant la porte genre à lui, il est genre latéral à la porte. Il tend son bras. Allez, héros, Wuxia, qu'importe, sortez de là et faites donc ce que vous avez à faire. Au moment où j'arrive à sa hauteur, dis et rendez ça à celui à qui de droit. Je lui tends les deux doigts où sont plantés les yeux. Il y a encore les yeux. Toi qui les prends. Et je m'en vais. Est-ce que de manière purement cinématique, je peux me servir de l'arme vivante pour rattraper mon bâton sans me baisser? Bien sûr. Je te l'accorde en cinématique. Je m'appuie sur mon bâton, je boite et en passant à côté, je crache à ses pieds. Toi qui gardes une posture droite, il a même pas le dédain de réagir. Vous avez trahi votre nation. Sachez que les djinns ne régneront jamais. Alors, effectivement, du coup, à l'accent, parce que maintenant qu'il a parlé, je peux indiquer juste rapidement. Ouais. Pour les deux joueurs qui ont raté cette information, En fait, à son accent, vous reconnaissez que ce n'est pas une personne qui vient de l'empire des djinns, parce que les accents, c'est quand même quelque chose qui s'entend facilement, mais qui vient de l'empire du Liao. Pour un petit cours d'histoire rapide, que j'avais déjà fait précédemment, c'est que le Liao était un empire allié au Song, votre empire, que le Song a trahi en rejoignant les djinns pour raser totalement l'empire Liao. Et après, les djinns ont rasé l'empire Song, mais ça, vous connaissez bien, c'est vous qui êtes en train de vous faire capturer. Mais du coup voilà, c'est pour ça que il y a ce côté un peu étonnant peut-être de voir quelqu'un du Liao qui du coup ont tendance à n'aimer ni les Song ni les djinns par rapport à leur passé, qui est un lieutenant djinn. Du coup voilà, c'est une information pour vous deux. C'était ce que plus ou moins ce que j'avais expliqué aux trois autres joueurs la dernière fois. Oui. Puis je commence à me barrer. On est d'accord que j'ai toujours la clé de la cellule super. Super bien gardé là, non? Oui, normalement. Okay. Je sais plus, je dois avouer, mais normalement, oui. Il me semble que vous avez Je me rappelle qu'on nous avait demandé de l'acheter dans un lac ou dans un truc comme ça que personne ne la retrouve jamais. Ça, oui, oui. Mais je la garde pour bien la jeter. Il y a une rivière à côté. Juste, y a pas moyen de taper un peu la tchatche avec lui histoire de savoir pourquoi il est là ou quoi? Ah, honnêtement, en fait, quand tu vas essayer, il va. Sans pour autant tu virer, mais tout simplement indiquer que il n'a pas le temps là tout de suite, mais qu'alors votre prochaine rencontre, il sera bien ouvert à ce genre de débat. Mais pour l'instant, il a affaire dans la ville. Ce qui est normal, hein, parce qu'elle est en train d'être pris militairement, vous doutez qu'il n'a pas pour l'instant grand luxe de son temps. Mais il le fait. Je ramasse une des petites cernes que j'ai sculptées tout à l'heure et je lui offre pour le remercier de nous avoir laissé s'échapper. Très bien, il les prend et il apprécie le geste même. Et on serait dans le jeu tel, il y aura un petit message, il se souviendra de ça. Ah oui, le message qui fait qu'il n'a aucune incidence sur le gameplay. Oui, voilà. Ce message là. Quel message? Du coup, Zone Time, tu voulais peut-être dire un truc, c'est vrai que je t'avais coupé pour expliquer vite off. Ouais, vas-y. Ouais. Juste, du coup, en fait, moi, je vais genre prendre. Il y a un mec juste à côté de moi que j'avais découpé, c'est ça? Si je ne me trompe pas. Oui, moi, t'as découpé plusieurs. Sur son armure, il doit bien avoir un bout de tissu ou une connerie du genre. Mm-hmm. Je le déchire, j'essuie mon arme parce qu'il ne faut pas que ça rouille quand même. Et puis je me casse. En remettant le bout de tissu par terre. Mais je me casse en dernier, en le fixant dans les yeux toujours. Tu vois, qui te lance un regard, sans pour autant que ça soit un regard de... Il y a un regard de défi, mais pas un regard d'hostilité, tu vois, genre... Ouais, voilà, c'est... Non, mais pareil, j'ai pas envie de le battre parce que je suis pas dans l'état. Mais puis, pour rappel, il nous prend 1 contre 5. Ah, mais j'étais fatigué. 1 contre 5. On était arrivé, on venait d'arriver dans la ville, on était au bout, vraiment au maximum de nos capacités, il nous a éclaté. Non, pas vrai. Ouais, mais maintenant, on a gagné de l'expérience en combat avec des points de légende, t'inquiète, on le roule. Si vous voulez essayer, il est encore là. Hein. Non, non, moi j'ai 3 points de souffle, j'ai rien du tout, les gars. Même plus, j'ai 2 dés là, je laisse tout le monde faire. Je suis parti depuis longtemps, moi. Ouais, totalement. Mais du coup, vous. Parce que légalement, je commençais le plus crevé à la base, je vous rappelle. Hein. Oui, non, clairement, hein, c'est incroyable ce qui s'est passé ce soir. Vous, du coup, sortez de j'ai envie de dire d'entrepôt, mais ça correspond pas vraiment avec vraiment ce que c'est, mais voilà, vous. Ouais, c'est ça, le truc abandonné, quoi. Lui finit par sortir quelques minutes après et refermant derrière lui. Vous, du coup, maintenant vous êtes à l'air libre, enfin, ne plus sentir par contre les odeurs un peu dégueulasses du cachot. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes du coup en plein milieu de cette ville. Hein. Je rappelle que Nagaroa, du coup, est une assez grande ville. Hein. C'est pas non plus une ville, mais c'est de bonne taille. Et vous êtes en gros pas loin de la porte nord. Ça se sait parce que c'est marqué sur la porte hein, qu'il s'agit de la porte nord. Chose qui est tout à fait normale hein, dans les villes du coup de l'empire du Song, c'est quelque chose qui est obligatoire, c'est que chaque point cardinal, hein, il y a une porte et ces portes sont réservées au fils du ciel, donc l'empereur de l'empire des Song. Donc voilà, c'est pour ça qu'à chaque fois c'est marqué, c'est bien officialisé, parce que sinon vous ne respectez pas les codes du fils du ciel et ça c'est pas bien. Voilà. En même temps, je suis un peu de cours, hein, comme ça, à force vous habituez au code, etc. Mais c'est pour ça que vous savez que vous êtes pas très loin de la porte nord, et je vous écoute. Est-ce qu'on peut enquêter sur la salle bizarre dans laquelle on avait nos deux magnifiques amis qui répondent au nom de, je vais regarder parce que j'ai oublié, Xiao Teng et Shuang Menzao, parce que... Bah, en gros, on vient de sortir de là, tu veux y retourner? Bah, je sais pas, ils ont dit qu'il fallait jeter la clé, il y a le mec des Yao qui a insisté pour nous enfermer Non, mais dedans. on Pour la pourra clé, retourner je les voir rappelle, après. Et Pour la Xiongteng, il lui clé. arrive des trucs bizarres quand il a été enfermé dedans. Et puis, je viens de Non. voir Shedren mourir Ouais, alors. sourire quand j'ai proposé cette Pour magnifique initiative. parce que je trouvais ça rigolo, mais pour la clé réellement, je rappelle, hein, parce que voilà, ça fait quand même 2 semaines, mais la raison pour laquelle on vous a demandé de jeter, c'est que comme vous avez par. En fait, vous avez co c'est une collaboration hein, qu'il y a eu entre vous et le magistrat qui a fait semblant, du coup, enfin vous avez simulé une vraie agression, alors qu'il vous a donné la clé, mais du coup, justement, pour brouiller tout soupçon, il faut que la clé disparaisse de la circulation Genre, et que. on la retrouve jamais. C'est C'est pour pas ça. qu'il se fasse taper sur la gueule derrière, parce qu'en fait, il vous a donné la clé Tout à fait. pour Ouais, c'est casser. ça, c'est ça. Tout à fait. C'est Alors, juste pour pas qu'il mette la tranche, quoi. Il a accepté l'humiliation de se faire attacher pour. Elle Ce qui est est pas. déjà. En soi, c'est pas important. Le truc, c'est juste qu'il faut, comme si. Ah, disparaître la clé comme ça, bah. Ouais, Ça, en fait, la ça petite limite poche qu'on va l'épreuve. Et regarder. effectivement, déjà, rien que le fait qu'ils ont accepté l'humiliation est déjà un grand acte de bravoure. Hein. C'est pas rien. En tout cas, moi perso, je regarde les trois autres, je leur fais face. J'écoutais, comme vous pouvez le voir, j'ai pas été très efficace dans ce combat, mais en même temps, je suis parfaitement bien. Hein, genre, j'ai perdu un point N'aura de pas été souffle, le un seul point à de être. sang, donc je suis nickel. Par Parce que contre, tu vous, leur c'est dis pas la ça même chose. littéralement, tu les regardes, j'ai perdu un point de souffle. Non, mais là après, moi, en gros, voilà, c'est juste pour dire que je suis nickel, quoi. Et par contre, vous, c'est pas votre cas. Je suis d'accord. Faut qu'on Trouvons trouve un endroit où une dormir. auberge, un Franchement, je truc. suis juste un peu Enfin, fatigué, ça passe. ouais, non, je te vois, t'es comme ça, à souffler comme un bœuf. Ah, que dalle. Par contre, non, vraiment. Pas plus Fais un parce peu que. comme tout à l'heure. Fais pas ton dur, là. Fais pas ton dur. J'ai perdu à peine 5 points, hein. C'est rien. Attends, mais Bon, est-ce t'es quand que même à ce 6. Hein. magnifique. En souffle, t'as perdu 5 points? Ouais, il est à 6 Ouais, bah sur ça son te fait total. quand même un quart de tes points, donc si, Ouais, t'es au bout de ta il. vie, hein. Oui, bon, C'est juste que nickel. comparé à ce qu'il avait avant le combat, c'est pas si horrible que ça, tu vois. Genre, Ouais, voilà, c'est c'est ça. pas. Oui, Ça mais dépend bon, pas ce qu'il y avait avant le combat, il oui. est quand même fatigué, et tu t'es Bien fait sûr. tabasser, tu reviens, En machin, tu t'es fait, tapé c'est un plus le fait combat. que je me sois fait tabasser, je pense. Ben oui, donc tu n'as pas une belle mine. Moi, mais là, on va essayer de trouver un endroit pour poser. Alors, Gros pour les quinqué. auberges, il existe normalement dans les villes chinoises, donc cette ville ne devrait pas faire défaut, bah, tout simplement des bâtiments dédiés à ça qui font généralement salon thé, auberge, etc. Ben on va y aller, hein. Du coup, il y a moyen peut-être chercher votre chemin auprès du peuple. Ils vont juste voir des mecs un peu fatigués, ensangloté arriver. Ben moi je Bah, vais arriver, bon juste avec mon masque un peu ensanglanté, et je vais parler tout de suite. bien sûr. Excusez-moi, essayez de Vous trouvez rapidement en fait de l'information hein, parce que les gens sont aptes à partager ça. C'est juste à côté. Oui, Baoming. Est-ce que par hasard le lieu, enfin ce magnifique puits sculpté avec des qui se retrouve dans une salle emplie des âmes des magnifiques guerriers qui sont au champ de bataille, il serait pas un endroit approprié pour faire un petit tao histoire de récupérer On n'y est même pas. Tu veux pas attendre au moins d'être là-bas? Non, je parlais du puits où on était. Ah mais le On s'est puits c'est un vieux truc barré! abandonné. En plus vous y êtes plus. Il Qu'est-ce nous que a tu veux faire? foutu dehors, le mec! Il est dégagé! Oui. Et Allez. sinon, est-ce que tu penses pas que c'est une meilleure idée de me laisser moi aller parler parce que je suis quand même le plus présent? Non, J'ai pas pris. c'est moi le Bah, plus présentateur. en À vrai, part peu importe mon qui bras, j'ai pris parle, les citoyens vous savent du coup vous indiquer. Peu importe qui a posé la question, ça T'en ne fous, changera c'est juste mon absolument rien. auberge, tu demandes pas Du le coup, temple maudit de machin bidu-schmuck. c'est moi qui décide. C'est Jansen qui a demandé, comme ça, hop, pas de jaloux. Voilà. Voilà, du coup, c'est Quoi? Jansen qui a demandé. Et on leur décrit la grâce route. au bouddhisme, on nous a donné une adresse, et Et du quand on coup. arrive à l'auberge, je demande une chambre et je m'isole. Chaque chose en son temps. Ah putain, faudra qu'on parle après parce que vous avez raté des trucs sympas, c'est dommage. Restez dans le stream après la fin de la session, il y a des discussions post-session, vous pourrez apprendre 2-3 petits trucs. Ça sera rigolo. Dans tous les cas, du coup, pour revenir à la saison, c'est comme le truc principal, vous allez du coup au salon T. Le salon T, en fait, se trouve être littéralement un bateau. Vous avez, en fait, quand vous arrivez face à vous, un énorme bateau de bois qui est, en fait, un peu de travers, qui est échoué, en fait, littéralement dans la ville, et qui se trouve, en fait, qui sert comment dire, de jointure entre deux murailles de la ville. Que je sache, il me semble que Jadseng, tu es un peu dans les milieux mendiants, etc. C'est, si je ne me trompe pas. Ouais. un peu beaucoup. Non, Baoming, non. Un peu trop. Non. Donc toi, Jadseng, par contre, tu reconnais un truc directement sur ce bateau. C'est que ce bateau, c'est ce qu'on appelle... Attends, parce qu'il y a un terme technique pour ça, et j'aimerais bien ne pas me tromper. Bah oui, bien sûr, il faut que je... oui, un bateau à fleurs. Qu'est-ce que c'est qu'un bateau à fleurs à la Chine du XIIe siècle? Un bateau à fleurs, ce sont les bateaux sur lesquels sont installés des bordels, en fait. Et du oui, coup, c'est bien ce que je pensais. Mélanger plaisir de la chair et tout simplement navigation. Ah, dans ce cas, j'ai pas l'information. Non, vous n'avez pas les infos, vous trois. Ça, c'est Jensen. Et comme bah, ça, vu que j'étais membre de gang, tout ça, non, ça va pas. Non, c'est plus particulier. À part si t'étais sur un gang genre pirate. Pirate, t'aurais pu savoir, tu vois, mais là, non. Du coup, tout ça pour dire que, voilà, tu as la formation. Du coup, voilà, c'est un énorme bateau, en fait, qui vient... entre deux murailles, comme si les murailles étaient construites à partir du bateau pour faire la continuité de la ville. Vous entrez dedans. Et vous tombez, du coup, sur deux personnes en train de discuter, d'une manière un peu discrète, qui s'étaient mis à part, en fait, du coup, vers l'entrée, pour ne pas être au milieu du salon de thé. Et vous reconnaissez là la dame qui accompagnait, tout simplement, le magistrat, pour ceux qui étaient à cette scène-là, donc vous deux. Qui en rend de discuter tout simplement avec une jeune fille beaucoup plus jeune qu'elle. Vous entendez même pas ce qu'ils disent, parce qu'à peine vous mettez les premiers pieds là-dedans, qu'elles arrêtent leur conversation et vous font face en vous accueillant. Bonjour. Excusez-moi, vous avez besoin de quelque chose? J'aimerais une chambre. Pas de façon. Une chambre. Pareil, tous ensemble. Non, franchement, je m'avance, je regarde la dame, je vois qu'on vous a détaché. Et et je regarde l'autre et je lui dis j'aimerais pouvoir me reposer, s'il vous plaît. Bah, très bien, on a chambre dormir ou chambre dormir. Très bien. Chambre à coucher. chambre à coucher ou chambre à coucher? Telle est la question. Tu vois que genre elle traverse sa volonté, vous priant du coup de la suivre, et ouvre un petit cahier fait cahier, enfin un petit carnet fait de cuir, et sur les pages du coup une seule chambre. Enfin, dites-moi de quoi vous avez besoin et à quel nom, et je vous donnerai le prix du coup. En tout, pour le groupe, si vous avez l'air d'être ensemble. Bah oui, écoutez, mon ami désire une chambre, mais je pense que c'est cas pour tout le groupe. Bien, chacun coup, prendra une chambre, je pense. Très bien. Ah, moi, donc, je veux la chambre la plus confortable. Pas juste une chambre. Vous avez les moyens, j'espère, de payer cette chambre. Je peux jouer de la musique. Je sors de ma besace quelques piècettes que j'ai récupérées en faisant la manche. Non, tout à fait. Est-ce que ça suffira? C'est donc pour ça. Pour des jambes classiques, oui, tout à fait. Tu vois qu'elle prend les pièces, se penche et vous donne en fait des clés sur lesquelles il y a des petits morceaux de bois. Oui, à la caméra, c'est mieux. Qui pendent pour permettre de savoir à quelle chambre c'est lié. Elle vous tend du coup une clé chacun. Bah voilà, vous allez pouvoir vous reposer. Le forfait est à la nuit. Il y a moyen de faire des économies si vous restez plus longtemps. Vous avez qu'à prévenir et il y a des forfaits à la semaine, au mois. Est-ce que vous servez le repas ou c'est en supplément? On sert les repas, oui. C'est dans enfin en tout cas le repas du soir pour la chambre. Après ça dépend du forfait du coup que vous prenez. D'accord. Okay. Est-ce que j'ai la chambre la plus... Vous avez la Tu as plus la même confortable chambre de que ces nous. quatre-là déjà. On n'a pas les moyens de se payer ce genre de chambre, Baoming. Bon, je fais une petite sculpture pendant la nuit. On revendra ça, ça va s'arranger. Vous inquiétez pas. Demain, on aura tous une suite royale. Bien sûr. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, madame. Je vais du coup prendre la clé et j'y vais. Je Oui, moi suis. aussi, je fais un peu me reposer, dormir, tout ça, Je tout ça. suis le premier à prendre la clé et à disparaître dans une chambre. Tout à fait. Du coup, Tu bah, veux. vous allez tous partir dans votre chambre, vous reposer. Oui, si tu veux, tu peux faire un Tao. J'avoue, je Effectivement. l'avais totalement dans ma tête, mais je vais le faire, du coup, merci beaucoup. Ouais, pareil. Là, franchement, je vais me. Alors, oui, le Tao, je vous rappelle. C'est vrai que je ne l'ai pas défini pour les gens qui nous écoutent. Pour les joueurs, normalement, ça devrait être plutôt fluide dans la tête. Le Tao, c'est un exercice plutôt de type méditation qui permet de se recentrer, de retrouver le Négong en soi, de voilà, de refaire le centre au milieu de tout ça. Et du coup, en fait, ça permet. En fait, c'est un truc qu'ils doivent faire quotidiennement. Et par contre, le jour où, du coup, bah, ils ont besoin de Négong, le fait qu'ils l'ont déjà fait permet de se recentrer. Par contre, s'ils ne le font pas, par exemple, pendant un mois, bah, ils vont devoir reprendre quotidiennement pour après avoir les effets au moment où ils en auront besoin. Voilà, c'est un truc voilà, quotidien. Parce que, voilà, la Je le méditation, ça prends. marche pas qu'à la demande. Hein. C'est pour ça que notre, ça, c'est quelque chose qu'a bien compris Baoming. Et c'est pour ça qu'il veut le faire absolument partout, parce qu'il veut être sûr de l'avoir. Mais voilà. Donc ouais, pour ceux qui veulent, vous allez pouvoir faire votre pause, vous allez pouvoir vous reposer. Voilà, est-ce que vous avez du coup d'autres choses vraiment spécifiques peut-être à me dire, ou est-ce que du coup on est sur À un part faire mon repos total? Tao. Ouais, on a deux Tao, effectivement. Moi, Alors puisque franchement, j'ai je prends la perdu. chambre la moins chère, hein. Clairement, je sais pas. Pas de soucis. Mais Bon, là pour l'instant, Jatseng apparemment a l'air d'avoir payé pour tout le monde. Hein. En tout cas, cette nuit-là, puisqu'il a juste sorti sa besace en mode allez hop, donne-moi les clés, tout ce qu'il a on part vous récolté sur cacher. la route, il l'a mis. Ah oui, comme quoi, vous voyez que Mais ce n'est pas qu'une mauvaise personne. Mais on Des l'a pas fois, dit le que c'était une caractère. mauvaise personne. Oui, c'est Est-ce vrai. que. Ça, c'est pas encore vu dans la campagne. Est-ce que, à tout Voilà. hasard, Oui. après mon Tao, je peux profiter du coup de l'inspiration donnée par cette magnifique méditation pour faire une petite peinture histoire de m'exercer parce que c'est très important de garder Mais la tu. pratique et puis Tout à fait. éventuellement se faire un peu d'argent si j'arrive à la revendre. Mais tout à fait. Dis-moi juste comme ça, là, si t'as envie d'en faire une, tu te la verrais comment? Genre une impressionnante, une flamboyante, une héroïque, dis-moi genre. Si tu devrais faire un jet. Je réfléchis, hein, je regarde juste ça vite fait. Vas-y. Voyons voir, qu'est-ce que je pourrais bien me faire? Sachant qu'en fait, ça va surtout déterminer à quel point tu mets ta maîtrise dedans. Sachant que je rappelle que du coup c'est vraiment quelque chose de palpable, hein. Quelqu'un qui maîtrise véritablement le Neigong est capable de ressentir à quel point le Kung Fu est important. Typiquement quelqu'un qui est très fort en arts martiaux peut ressentir le Neigong que quelqu'un a mis dans dans une peinture et savoir s'il a face à lui un véritable artiste ou pas, hein. C'est vraiment quelque On est chose de... d'accord que c'est du kung-fu. Oui, c'est une maîtrise, c'est de la maîtrise hein, pour le Ok, coup. donc une flamboyante. Ok. Petite flamboyante. Flamboyant, je te l'accorde sans jet. Tu es au repos, et puis de toute façon, en plus, en tant qu'artiste blessé, pour l'instant, c'est vrai que bon, finalement, c'est peut-être la meilleure chose à faire. Tu viens de faire un Tao, tu te sens bien, donc je te l'accorde. Tu vas faire du coup une peinture vraiment pas mal, pas des meilleures qui soient. C'est peut-être quelqu'un qui aurait l'œil pour ça, la trouverait pas parfaite, mais tu vois, au moins, une belle pièce. Tu pourras d'ailleurs, si tu veux la vendre, tu pourras en tirer quelques pièces bien méritées. Du coup, Janseng, ce que j'ai compris, toi, c'est juste du repos. Voilà, tu pars Tao Bah, repos. quand j'entre dans ma chambre, je ferme la porte à clé à l'intérieur, de l'intérieur, et je me mets à l'aise et je me débarrasse de tout le superflu. Et juste, je vais me mettre en tailleur devant sur mon lit et je vais laisser. J'ai pas le mot. Je vais décompresser. Ok, et Shuang? Moi, c'est du repos. Enfin, après, en même temps, je n'ai pas trop subi non plus, donc. Juste Mais repos. du repos. Très bien. Mais du coup, en vue de cette position de calme, exceptionnellement, je pense qu'on va arrêter plus tôt, parce que en vrai, si une intrigue se lance maintenant en 15 minutes, elle n'aura pas le temps d'être développée. Le combat a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais au moins, ça nous a permis de rigoler, de jouer un peu avec les règles, donc tant mieux. Du coup, je vais mettre le générique de fin. Merci d'avoir suivi cette rediffusion pour ceux qui sont arrivés jusque-là. N'hésitez pas à faire des retours, vous abonner, tout ça. Mais surtout des retours, hein. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. N'hésitez pas à faire des retours sur la session. Que ce soit mon travail ou soit des joueurs, je sais pas, hein, si vous avez quelque Les chose joueurs à sont vous nuls, dire. franchement. Ouais, franchement. Voilà, n'hésitez pas. De toute façon, toute remarque sera bah, la bienvenue. Moi, je vous dis du coup bah, à la prochaine sur la petite pogidaire. Et pour ceux qui sont en stream, à tout de suite. Hop, bye bye.